qui est très délicat mais gratifiant. Ils se vendent de 1600 euros le kilo. OK. Oui, mais là, c'est tellement petit, hein, le plus souvent par boîte de 50 grammes. Apparu timidement dans les années 80, ce caviar des sous-bois se déguste en canapé, distillé dans un plat de bœuf ou avec des betteraves, mais son prix la destine aux tables les plus distinguées. Les Italiens sont pourtant de grands consommateurs d'escargots dont les antennes s'agitent souvent dans les paniers surchargés des marchés de la péninsule, en particulier dans le sud. Cela ne date pas d'hier. Pline l'Ancien évoque ainsi des élevages d'escargots engraissés au lait d'ânesse, ainsi qu'au vin dont le succès auprès des riches romains a poussé à la création des premières fermes d'escargots qui figuraient à Pompéi. Donc, ça fait quand même un méchant bout de temps que les Italiens cultivent l'escargot. Selon des estimations, les Italiens ont englouti 40 000 tonnes d'escargots en 2014 contre quelques 30 000 tonnes en France. Et alors que celle-ci importe massivement, en particulier de Pologne, l'Italie produit elle-même plus de 40 % de ses escargots. Moi, je sais qu'en Belgique, les escargots, c'est très, très fort aussi. Du Piémont au nord, donc à la région de Rome et jusque dans les Pouilles dans le sud, ainsi qu'en Sicile, des agriculteurs italiens se sont lancés dans cet élevage de mucus magique. Hein. Monsieur Merlino et ses associés se sont installés il y a 10 ans après avoir mené des recherches en Grèce, en Espagne et en France pour élaborer leur système d'élevage innovateur. Sérieux, j'aimerais ça élever des escargots, pareil comme dans Toun de Jean Leloup. Pour vrai. Maintenant, nous formons ceux qui veulent emprunter la même voie. Nous avons déjà aidé une centaine de producteurs à se lancer en Italie, assure M. Merlino, en ajoutant que d'autres aussi sont venus d'Albanie, de Slovénie ou de Bulgarie. Mais qu'est-ce qu'on attend ici au Québec pour se lancer dans les fermes d'élevage d'escargots? Dans sa ferme, les Asperça ou les petits gris aux rayures acajou qui se grimpent dessus pour aller pondre leurs œufs sont une race spéciale issue de souches françaises et siciliennes qui se distinguent par sa couleur sombre et la dureté de la coquille, une caractéristique essentielle pour ces animaux destinés à la casserole aussitôt après avoir pondu. Au total, 2 millions d'escargots vivent actuellement dans la ferme. Ces animaux sont hermaphrodites, donc porteurs de chacun organe mâle et femelle. Ils sont tous susceptible de pondre une centaine d'œufs une dizaine de jours après s'être accouplé. Une fois récoltées, les minuscules billes enveloppées de mucus sont envoyées dans un laboratoire qui se charge de les nettoyer et de les trier pour ne garder que les œufs parfaitement ronds et blancs. Mais le mucus de ces mollusques est également conservé et décliné en crème pour le visage dont les propriétés régénératrices ont été popularisées par les célébrités comme Katie Holmes, l'ex-femme de Tom Cruise. De la Grèce antique au Moyen-Âge, le mucus d'escargot était déjà utilisé pour soigner les infections, les ulcères à l'estomac ou la toux. Aujourd'hui encore, les herboristes le proposent en sirop. Merci à vous, escargot. Et puis, j'aimerais ça vous élever, moi. Pour vrai, j'aimerais vraiment avoir un élevage d'escargot. Je vous le dis. Il faudrait que j'aille étudier en Sicile. Alors, pourquoi pas aller rencontrer M. Morlino. Ici, on nous dit qu'on a trouvé un truc infaillible contre les enfants qui font la baboune. Eh bien oui, les caprices d'enfants, c'est parfois difficile à gérer et quand les plus petits décident de tout simplement de s'arrêter en pleine rue, les bras farouchement croisés et la moue boudeuse, tous les moyens sont bons alors pour se tirer d'affaire, y compris de détourner leur attention avec un objet d'une redoutable efficacité. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo via la page Facebook du Dîner de con, la petite Yeseo n'est pas de bonne humeur et dans ces moments-là, une caméra n'est pas la bienvenue. Mais lorsqu'elle se tourne pour échapper à l'objectif, un bruit retentit. Encore quelques pas et à nouveau ce bruit. La petite fille porte des chaussures qui couinent et visiblement, il n'en faut pas plus pour lui redonner le sourire. Mise en ligne sur la chaîne Bobéa Papa, cette adorable vidéo fait partie de l'album de naissance version 2015 qui permet aux grands-parents de Yeso et de Yérine de suivre l'évolution de leurs petits-enfants au quotidien. Et si à l'origine, la chaîne a été conçue pour sa grande sœur Yérine, comme l'appellent nos confrères du Huffington Post américain, il semblerait que cette fois, sa petite sœur lui ait volé la vedette. OK. Donc, le truc, c'est de mettre des souliers qui couinent aux enfants. OK. Peut-être pas tant un bon truc, mais bon, ça a l'air que c'est votre truc. Un homme plante sa nouvelle Ferrari, oui. Un homme plante sa nouvelle Ferrari. Tout ça, tout juste en sortant du concessionnaire. Il ne suffit pas d'acheter une Ferrari pour devenir un as du volant. Dans les rues de Budapest en Hongrie, un conducteur a embouti sa nouvelle voiture payée 1,2 million d'euros juste après être sorti de chez le concessionnaire. Allez voir ça, c'est à voir en vidéo. toujours en vidéo, eh bien, c'est la Tesla Model S. Eh bien, Tesla vous propose d'assister à sa conception en 90 secondes. Hein, pour tout savoir sur les étapes de la conception de cette Tesla, suivez cette vidéo de 90 secondes qui détaille la fabrication de cette splendide voiture dans les nouveaux ateliers européens situés à Tilburg, aux Pays-Bas. Pour avoir le modèle le plus basique de cette classe, il faudra compter, c'est pas si pire, 76 300 euros pour une voiture d'une autonomie de 422 km et elle est capable d'atteindre les 0-100 en 5,4 secondes. Une machine. Et finalement, un bulldog sur un skateboard. Eh bien oui, c'est un bulldog bat un nouveau record. Bravo à toi, bulldog. Donc, une sacrée performance pour ce chien. Un bulldog a battu à Lima, au Pérou, un nouveau record mondial dans le Guinness Book grâce à son skateboard mardi dernier. Donc, le dernier record avait été décroché par un duo de chiens à Northumberland, dans le Royaume-Uni, en 2009. Un tunnel humain constitué de 30 personnes s'est formé le long d'une promenade de la capitale péruvienne. Le chien, âgé de 4 ans, s'est alors élancé sur son skateboard, et a traversé avec brio ce passage. On le voit sur la vidéo prendre un peu d'élan avec sa patte, mais à aucun moment il ne tombe ou bouscule les jambes des participants. Le chien est acclamé au terme de sa course par la foule venue assister à l'événement. C'est le meilleur chien qui fait du skateboard. Ça, il n'y a pas à en juger autrement. Sur ce, on s'en va en musique avec la formation Kasabian et la pièce Days Are Forgotten. On écoute ça tout de suite ou dans le dîner de cons.

Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons, un certain midi cette semaine. Vous allez voir le prochain fait divers ici, assez particulier. C'est un écrivain qui a traqué une jeune femme qui avait fait une critique négative de son livre. Il s'appelle Richard Britten, qui est connu en Angleterre pour être un ancien champion d'une émission de télé, mais il est aussi écrivain. Il est l'auteur de The World Roses et il est désormais connu pour ce fait divers. En 2014, eh bien, il a traqué une jeune femme qui avait écrit une critique négative de son roman sur Amazon. Il a voyagé de Bedford près de Londres jusqu'en Écosse pour la retrouver et lui casser une bouteille sur la tête. Problématique, hein, ce petit écrivain. Donc, The World Rose, selon Amazon, se résume ainsi. Un conte de fées amoureux épique situé dans un ancien monde semi-fictionnel contenant des éléments d'action, d'aventure, de poésie et de comédie. Après la mise en ligne du prologue de l'ouvrage par l'auteur sur la plateforme Wattpad, des critiques avaient commencé à apparaître dans un post de blog de septembre 2014. Richard Britten expliquait: les louanges que j'ai reçues sont remarquables et m'ont fait sentir super bien. J'ai été comparé à Dickens, Shakespeare, Rowling, Raymond E. Feist et Nora Roberts. Mais tout le monde n'était pas de cet avis. Hein? Tout le monde ne pensait pas que tu étais un génie. Paige Rowland, par exemple, elle ne trouvait pas ça. La jeune femme lit le prologue sur Wattpad et ne l'apprécie pas particulièrement. Elle décide alors d'en faire un compte-rendu sur Amazon où le livre est en vente. Elle écrit alors: « En tant que lectrice, je me suis ennuyée à me taper la tête contre les murs et j'ai été très déçue d'un livre pour lequel j'aurais pu dépenser de l'argent. » En tant qu'auteur, eh bien, qu'auteur amateur, je suis consterné que quiconque puisse penser que ces pages sont dignes d'être mises en vente. Plus loin, elle ajoute une prose beaucoup trop prétentieuse qui révèle trop peu de choses et un personnage principal que je déteste déjà. Elle note encore, malheureusement, M. Britten est connu sur Wattpad pour menacer les utilisateurs qui ne chantent pas ses louanges. Priez pour moi. Britten se met alors à traquer Paige Rowland via Facebook. Il trouve où elle habite et où elle travaille. Le 3 octobre 2014, il se rend à Glenroads, dans le nord de Glasgow, au magasin Asda, dans lequel Paige est employée. Le procureur raconte qu'il se rend alors au rayon d'alcool et prend une bouteille de vin, puis se rend dans l'aile où travaille Rowland, et il l'approche par derrière alors qu'elle est à genoux en train de prendre des paquets de céréales sur l'étagère de la plus basse du rayon. En un mot, sans un cri, il lui écrase la bouteille sur le crâne. Paige est blessée immédiatement et perd pendant un moment. Elle perd connaissance. Dans l'affaire jugée à la mi-novembre, eh bien, l'écrivain a admis les faits. La peine n'a pas encore été prononcée, mais elle sera sans doute influencée par les antécédents de cet auteur. Avant d'agresser Paige Rowland, eh bien, il avait déjà harcelé une jeune femme et l'avait raconté dans un post de son blog dont nous avions parlé. À l'époque, en octobre 2014, nous ne savions pas encore si le récit de stalker faisait que Britten... Pardon, si le récit de stalker que faisait Britten sur son blog était réel ou non, il ne l'était pas. Il écrivit alors: je lui écris des lettres d'amour, j'avais encore son adresse obtenue sur les formulaires qu'elle avait remplis pour le défi de l'université. J'ai aussi laissé des messages sur son téléphone, cela peut sembler un peu trop, mais j'aurais eu l'impression de renier mon amour si je n'avais rien fait. Finalement, elle a contacté la police. Particulier, hein, cet écrivain. Donc, son nom, Richard Britten. Ne le retenez pas, hein? C'est ce que je dirais. Ici, c'est quelque chose qu'une mannequin, que plusieurs autres mannequins ont fait à travers le monde, entre autres à New York, à Los Angeles, à Paris. On a lu souvent des expériences du même calibre. C'est une mannequin qui s'est promenée sans pantalon, et à peu près personne ne l'a remarqué. C'est vraiment une vidéo à voir. En plus, la jeune demoiselle a une plastique parfaite. Donc, c'est cette femme qui s'est promenée à Hong Kong portant seulement un T-shirt et un sac à dos doré ainsi qu'une paire de bottes. Les passants ont à peine remarqué sa tenue. La mannequin blonde, qui était nue depuis la taille, a été peinte par l'artiste Sandra Baker pour créer l'illusion qu'elle portait une paire de jeans. La vidéo montre la femme se promenant dans la rue et dans les centres commerciaux avant d'enlever son sac à dos pour révéler un T-shirt sur lequel est écrit « No pants are the best pants ». Ou si vous aimez mieux, « Sans pantalon, c'est le meilleur pantalon ». Hein? Et puis c'est ça, c'est juste drôle. Allez voir la vidéo Et puis, je vous le dis, c'est très charmant à regarder. C'est pas difficile, mettons. Ici, assez particulier, on parle de Rivière-du-Loup. C'est, je pense, la première fois qu'on parle de Rivière-du-Loup durant le dîner de cons. Mais c'est par rapport aux communautés Spotted. On a ça, hein, Spotted de Point-du-Lac, Spotted Trois-Rivières, Spotted UQTR, Spotted de ce que tu veux. C'est des pages Facebook où les gens ont remarqué quelque chose. Hein? Là, c'est la communauté Spotted du Bas-Saint-Laurent qui est riche en publications étranges et déroutantes, tout en nous offrant le meilleur de notre belle langue française. Pour les néophytes, les pages Facebook Spotted permettent aux usagers des réseaux sociaux de passer des messages anonymes selon leur région d'appartenance. Chat perdu, recherche d'emploi, clé retrouvée, gars ou fille remarqué au dépanneur ou dénonciation de chauffeurs ou de voleurs ou autres sur la voie publique sont affichés quotidiennement. Toutefois, il arrive que certaines publications surprennent ou découragent. Alors, premier Spotted assez particulier, c'est appareil auditif recherché. J'ai perdu l'appareil auditif bleu le 8 novembre à RDL dans une petite boîte noire. La récompense, il y a une récompense qui est promise. Il s'en perd des objets au Bas-Saint-Laurent. Lunettes, clés cellulaires sont constamment soit recherchés, soit retrouvés. Mais rechercher ces appareils d'audition, il faut quand même le faire. Conseil à être précis quant au secteur de recherche à ratisser. Autre truc, Spotted Rivière-du-Loup, c'est « J'ai perdu mon papa au centre commercial. » Spotted au papa dans le centre commercial qui avait l'air vraiment tanné de magasiner. OK, non, il l'avait pas perdu. Il avait juste l'air ben à bout. Il s'est assis dans la chaise de bébé. Terminez l'intimité si vous vous reposez dans la poussette de votre enfant en plein centre commercial. Il y a des risques que vous vous retrouvez sur Spotted. Peut-être que vous êtes en train de vous décrotter le nez aussi sur le bord, sur une lumière rouge d'une rue très, très passante, peut-être. Autre Spotted de Rivière-du-Loup, c'est un chien adorable. À 4h45 AM, Spotted à mes deux belles semaines de vacances qui sont déjà derrière. Bonjour aux hosties de lundi de marde. Mon chien a chié dans mes outils. C'est ça, hein? Que dire, un chien qui défèque sur les outils de son maître la veille de son retour au travail après les vacances annuelles, c'est épique. Amenez-en des publications comme celle-là. C'est de la belle photo, c'est de la belle photo. Pédalo retrouvé sur le lac. Donc, un pédalo retrouvé sur le lac, je l'ai apporté sur le bord de la rivière Boucané. OK. Donc, un pédalo retrouvé et ramené au bord du lac, ça, c'est du service. L'histoire ne dit pas s'il a retrouvé son propriétaire. Autre Spotted, celui-là à Pointe-Négamouc. Pointe-Négamouc, j'adore le titre de cette ville. Hein? Le nom de cette ville, c'est génial. À Pointe-Négamouc! Pointe-Négamouc, il y avait une pièce des amis au Pakistan qui s'appelait comme ça. Donc, une technique de cruise douteuse à Pointe-Négamouc. À l'infirmière au triage, mercredi le 5 août, j'aurais bien aimé te connaître ou du moins savoir ton nom, mais j'ai remarqué une bague sur ton annulaire. Main gauche, c'est seulement décoratif ou non? Les pages Spotted sont souvent une excellente place pour séduire dans le confort de l'anonymat. Toutefois, la ligne est mince entre le compliment et le commentaire déroutant ou même la traque, hein, on ne sait jamais. Sinon, petite gardienne recherchée, Spotted Pointe-Négamouc encore, gardienne à soir. C'est la seule phrase, c'est gardienne à soir. On recherche une gardienne pour sortir ce soir sur Spotted. Notez l'absence de commentaires. Rien de mieux qu'une gardienne sur référence pour confier la prunelle de ses yeux. Ça peut être n'importe quoi, hein? Sinon, Spotted Rivière-du-Loup, on revient. Un gars couché dans la remorque. Spotted au gars couché dans le trailer, ça laffe. Salaf, OK. Qu'est-ce qu'on disait? Un gars couché dans une remorque en plein centre-ville. Pourtant, ce n'était pas la période des initiations du cégep. Mais peut-être que c'était comme un enterrement de vie de garçon. Hein? On ne sait jamais. C'est toujours ici, Spotted du Témiscouata. Jugement facile. J'aimerais offrir un chaton à mon enfant à Noël. Si quelqu'un en a qui seront prêts à donner pour cette date, faites-moi signe. Ben, moi, personnellement, je ne vois pas le mal dans ça. Jugement facile, ben oui. Mais mon Dieu, calmez-vous, il n'y a rien d'écrit dans le ciel qui vont se débarrasser des chats avec un peu de pouce. Qu'est-ce qu'on dit? Si vous avez le cœur pur et naïf, tenez-vous loin des Spotted. Vous faites seulement chercher un chaton pour offrir à votre enfant à Noël et vous risquez d'être jugé sur la place publique. Ah, c'est ça, c'est que tout le monde s'est mis à juger le commentaire. Pourtant, il n'y a rien là. Il n'y a absolument rien là. On cherche un chaton, quelqu'un qui aurait un chaton à donner. C'est juste ça. Juste pour le fun, on va aller regarder les commentaires. Justine Morneau nous dit « Mais mon Dieu, calmez-vous, il n'y a rien qui est écrit dans le ciel qui vont se débarrasser du chat. Un peu de positivisme. Et pas que vous le donnez, ce n'est pas un jouet, ce n'est un chat, c'est un contrat pour la vie. J'en ai un beau, un petit mâle gris et blanc d'1 mois et demi. » Mais ça, c'est correct. « J'en ai un drette là. Et l'autre qui continue, un chat, c'est pas un jouet. Ben, on n'a pas parlé que c'est un chat. Elle n'a pas demandé un chat jouet, elle a demandé juste un chat. Mais comme on a dit, le jugement assez facile. Sinon, pantalon au descriptif un peu trop précis. Hein? Ça aussi, c'est dans le Spotted région du Témiscouata. Je recherche un pantalon automne et printemps noir North Face Ivan 5 ou 6 ans. Bien, merci. Hein? Trop de détails, pas de succès. Ben non, ça marche pas. Pour vrai, il n'y a aucun autre commentaire. C'est beaucoup trop précis. Hein? Sinon, un cochon d'Inde à donner dans la région encore du Témiscouata. Bonjour, je suis de Notre-Dame-du-Lac. J'ai un cochon d'Inde à donner avec la cage et un sac de moulé. Alors, si quelqu'un est intéressé, juste à laisser votre nom en commentaire. Merci. Alors, des chats, des chiens à donner, on retrouve en grande quantité sur les réseaux sociaux. Mais des cochons d'Inde, toutefois, c'est beaucoup plus rare. Bien intéressant. Sinon, amis, les animaux perdus, Spotted Rivière-du-Loup, Spotted chat perdu à Saint-Ludger. Là, on a une photo. Ah, pauvre Cécile, c'est mon chat. À 98,9% sans exagérer, des publications sont consacrées aux animaux recherchés ou perdus, principalement des chats. Le pire, c'est que le système semble fonctionner puisque plusieurs le retrouvent. Le temps de le dire. Sinon, les femmes de ménage, Spotted, région du Témiscouata. Bonjour, je vous offre mes services pour entretenir votre maison. Je peux me déplacer à plusieurs endroits. Je suis une femme discrète, vaillante et qui adore le travail bien fait. Si cela vous intéresse, faites-moi signe. Je vous contacterai, oui, en privé. Merci d'avance. Mystère absolu sur la loi de l'offre et la demande. Les femmes de ménage sont si nombreuses à publier sur Spotted, mais pourtant, il y a toujours quelqu'un qui se cherche une bonne femme de ménage. Pourtant, oui, parce que c'est quoi? Du ménage, on en a à faire tous les jours de toute notre vie, ou presque. Fait que femme de ménage, là, il y en aura toujours de la place, il y aura toujours du travail pour elle, ça c'est sûr. Les chauffeurs sur nos routes, Spotted Rivière-du-Loup, Spotted à l'innocent qui me collait au cul parce que j'ai laissé une vieille madame passer. Mon chum, j'ai vu ta face, puis je l'ai bien mémorisé. T'aurais pas dû faire l'erreur de m'envoyer promener. Excusez, hein, c'est parce que je décode ce qui est écrit. Là. Les gens ont un français approximatif. La vengeance est un plat qui se mange froid. Pour ceux qui connaissent un gars, j'ai un gaz, G-A-S, là, dans la trentaine, Impala noir, taguez-le, please. Et là, je me demande c'est qui a le plus la rage au volant entre les deux. Attention aux publications agressives, surveillez votre conduite, les adeptes de Spotted vous guettent. Sinon, les beaux gosses ou les belles filles, Spotted au blond qui est caissier chez Maxi. OK, pourquoi se cacher derrière un spot et ne pas lui dire en face, mon Dieu, que le dialogue est difficile, c'est triste. Ça, c'est un commentaire. Dans 3, 2, 1, la moitié des adeptes de la page cherchent de qui on parle pendant que l'autre moitié tente de convaincre l'auteur anonyme d'aller parler directement à son nouveau crush. Assez drôle. Sinon, le stationnement tout croche, hein, Spotted Rivière-du-Loup. Faut-tu être légume, prendre deux parkings pour un si petit char? C'est génial, juste la cote est parfaite. Et là, t'as un char qui prend vraiment deux parkings, et puis c'est genre une Smart. Particulièrement à Rivière-du-Loup, il semble y avoir une police du stationnement. Surveillez-vous. Les cheap aussi, Spotted, région du Témiscouata, une bonne photographe pour séance photo pas trop chère dans le Témis. Et il y a qui? OK, le monde a de la misère avec le français. Puis je suis loin d'être... Un membre de l'Académie française, là. Avez-vous remarqué sur Spotted, tout le monde se cherche une coiffeuse, mais le moins cher possible. Un photographe, une photographe, mais le moins cher possible. Un réparateur d'ordinateur, mais le moins cher possible. Mais c'est normal. Les gens veulent économiser, puis ça, on ne peut pas leur en vouloir. La vie coûte tellement cher de nos jours. Les chercheurs d'emploi. Spotted, région du Témiscouata. Je cherche un endroit où ils cherchent du monde pour travailler. J'ai regardé sur Emploi Québec, mais je veux savoir s'il y a d'autres opportunités. Ouf! Ça semble être en désespoir de cause, mais il semble y avoir des chercheurs d'emploi qui croient qu'il y a de nombreux employeurs qui consultent les pages Spotted pour trouver de la main-d'œuvre. Peut-être pas de best place, hein? Puis peut-être qu'avec un français comme le tien, peut-être que les donneurs d'emploi vont passer ailleurs. Sinon, une maison, Spotted la Pocatière. Je cherche une maison à louer, minimum 2 chambres, doit absolument avoir droit aux animaux, donc accès au terrain. Je suis ouvert à regarder aux environs de la Pocatière sans trop m'éloigner. Une maison, un loyer, une chambre, le réseau regorge de recherches, parfois trop précises, d'un nouveau nid familial. On achève. On est rendu au 19. Règlement de compte, Spotted Rivière-du-Loup, Spotted donc aux femmes qui veulent tout recevoir sans donner, aux femmes qui voient les torts des autres mais pas les leurs et aux femmes qui veulent leur bonheur mais qui le fuient littéralement pour le bonheur de leurs amis. Femmes, vivez, assumez, aimez, soyez accomplis, puis rendez-vous compte que les hommes sont prêts à tout donner sans rien attendre, mais que vous n'êtes pas capable de donner sans avoir reçu. L'amour n'a pas de limite, sauf quand la haine commence à naître. Fiouf, hein, ça, c'est un règlement de compte, et je pense qu'il est malheureux avec sa femme, elle. Eh bien, oui, c'est les publications préférées, hein, un bon vieux règlement de compte où même la personne visée ne se reconnaît pas. Parce que c'est tellement n'importe quoi. Et puis, il faut décoder en plus ce qui est écrit avec ce français approximatif. Toujours, hein, c'est pas mal. Ça fait foi de règlement presque. Et finalement, les adeptes de Nouvelles Rencontres, Spotted Rivière-du-Loup. Salut, je suis un homme de 30 ans de Montréal et j'aimerais bien découvrir votre petit coin de pays. Cependant, je ne sais pas où aller. Je cherche un endroit pour me divertir et rencontrer des gens cool. PS, je suis black. Les touristes de passage ou de nouveaux résidents adorent utiliser Spotted pour rencontrer ou visiter. Vous verrez, les bas laurentiens sont très accueillants. Alors, c'était les 20 Spotted les plus bizarres et loufoques du Bas-Saint-Laurent. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Et on accueille, par chance, nous sommes des miraculés. Oui. Conception immaculée. On vient de créer de toute pièce une Justine Renault. Oh, comme oui. Ça va. Nous avons les morceaux. Nous avons la capacité de la reconstruire. Justine Renault et Justine Pertin. Bon matin. Je sais pas bon c'est parce matin. Que tu danses comme un robot que je pense que non. On a les morceaux pour te reconstruire chaque semaine. Chaque fois, la chanson. Ouais, ben, sérieux, oui. Oui. Moi, je peux remettre mon bras. Oui, pas. Fait que pas de bras, pas de chocolat. Ah, oh, puis on en veut du chocolat ou des cubes oui. de café à mâcher. Oh my God, oui, les cubes de café, je les ai regardés puis j'étais comme, je viens de... Non, il n'y a plus de sens à la vie si je n'en goûte pas un avant ma mort. Absolument. On devrait en trouver. Faut en trouver. On dit à chaque fois, acheter un des produits de ça existe. Oui, à c'est vrai, on devrait faire ça. On devrait le faire dans le temps de Noël, mettons, tu sais, comme ça faire un échange. Ah, ben des cubes de café, je pense qu'on a le budget. Ouais, boss. Ouais, hein. Bref, hey, si vous étiez pas là tantôt que vous écoutez cette chronique-là hors contexte, en rappel plus tard, ben, pauvre vous autres. Justine Renault. Oui, salut. C'est Justine Persine, salut. Tu nous parles toujours d'un sujet scientifique et tu l'accompagnes de musique. Ouais, parce que je fais ça dans la vie. Écoutez de la musique. Écoutez de la musique. Sciencé. Oui, à chaque semaine, à chaque deux semaines, c'est pas vrai parce que je suis pas si assidue que ça. Ouais, je vous présente un phénomène de la nature que je tente de vous expliquer de la manière la plus concise et pertinente possible. Donc, tu parles de toi-même, un phénomène de la nature. Ah, à chaque fois que t'as fait, là, t'es comme, t'es un phénomène, toi, Je suis dans ça, mais je suis bichu de même. Moi, je le prends pas positivement. Ah non? J'ai une dent contre toi. Chaque fois qu'il m'appelle le phénomène de la nature, là, je l'écris dans mon petit livre. Là. J'ai le livre de toutes les fois que Mathieu m'a froissé. Ah, mais ça me rend triste, tout ça. Un jour, elle va te rentrer dans le mur, là, elle va te frapper. Elle va te rentrer dedans. C'est tellement senti, ça vient tellement du cœur, et après ça, elle dit non, je te renvoie ce compliment et je te bafoue. C'est ça. Non, non. Mathieu, toi, je te porte dans mon cœur et je t'aime beaucoup. Toi aussi, Tania, je t'aime. Merci. J'apprends à te connaître, toi, et tes. Tes problèmes intercostaux. Mais ça m'amène directement à mon sujet de la semaine. Là. L'amour que j'ai pour vous là, fait battre mon cœur. On va parler du pacemaker naturel du cœur. Ah. Parce que oui, on a un pacemaker ou le stimulateur cardiaque. On en a un naturellement. Okay. C'est que notre cœur possède la capacité de battre par lui-même. Hein, tout seul de même, comme un grand garçon. Ça, c'est parce qu'un pourcent... Juste 1% des cellules seulement, les autres 99% sont pas aptes à faire ça. Ces cellules-là qui constituent le cœur, le muscle du cœur, mon Dieu, c'est une belle phrase. On recommence à zéro. D'accord. mais je me pends pas par le micro, fait qu'à date, ça va bien. C'est pour ça qu'elle est toute déboussolée. Elle se fait d'habitude, elle se tient une place. Oui, mais en fait, tu sais, je tiens le micro de l'autre côté. Ah, c'est juste ça. Je fais tomber le micro à chaque semaine parce qu'elle se pend après pour ceux qui n'ont pas le contexte encore. Voilà. Merci de mettre le contexte. Ça me fait plaisir, c'est ma job. Bon. Fait que 1% des cellules qui constituent le muscle du cœur, ça fait du sens ouais. Jusqu'à présent. Une cellule comme un oral, en fait. Ouais. Une cellule. Sont capables de générer une impulsion électrique ou, comme on appelle dans le domaine, un potentiel d'action. Donc, eux autres, ils le génèrent de toutes pièces. Il n'y a personne qui leur a dit de faire ça. Ils le font par eux-mêmes. OK? Le chef d'orchestre du cœur, c'est-à-dire le groupe de cardiomyocytes qui dicte le pouls cardiaque en temps normal, c'est le nœud sinusal, ou des fois on l'appelle aussi le nœud de Keith Flack. Oh, hey, ça c'est j'aime, rock, hein? J'aime bien la deuxième version. Ouais. Il a été décrit pour la première fois par Arthur Keith et Martin Flack en 1907. Ils ont fait un film, je suis sûr. Non, peut-être pas. Ouais. Ou une toune, ça a l'air d'un nom de band. Vraiment. Keith and Flack. Sgt. Pepper's Keith Flack Band. Oh! Ouais. D'accord. Ouais. Bon, ben, c'est notre projet numéro 173 pour la fin de semaine. Qu'on réalisera jamais. C'est ça. Ce petit nœud-là, le nœud sinusal, je vais l'appeler sinusal parce que Keith and Flag, je vais me prendre pour un super-héros d'ici à la fin. Là. Il a la forme d'un petit croissant. On y aime au beurre? Oui, ouais, exactement. Non, wow. Fromage. Ah. Mais il est indiscernable à l'œil nu et il se situe au niveau de l'oreillette droite. Donc, on se souvient, le cœur est constitué de 4 chambres, 2 oreillettes en haut et 2 ventricules en bas. Donc, si vous êtes bon en anatomie, ce nœud sinusal est situé tout près de l'entrée de la veine cave supérieure au cœur, juste en haut à droite. Troisième porte à droite. En haut, à droite. À côté de la salle de bain, c'est ça. Ce sont ces cardiomyocytes autorythmiques qui déchargent le premier potentiel d'action et qui le refont de manière cyclique entre le moment de votre naissance et votre mort. Over and over again, on s'entend-tu que la tâche doit être plate? Ouais, ouais. Une job d'usine, ça. Ouais, c'est pas mal ça. Ils sont probablement syndiqués, d'ailleurs. Automatiquement, le nœud sinusal crée des potentiels d'action à peu près 100 fois par minute chez l'humain adulte. On s'entend que c'est vite en tabarnouche. Ça, c'est quand il n'est pas régulé par notre système nerveux, qui réduit la fréquence des battements de cœur à environ 70 à 80. Hein? Ça a plus d'allure pour un battement de cœur normal, la fréquence de battement de cœur. Classiquement, c'est l'acétylcholine libérée par les terminaisons. Pourquoi c'est écrit terminé? C'est que mon enfant, il est en anglais. Des terminaisons du nerf vague qui va activer des récepteurs à la surface des cardiomyocytes du nœud sinusal et qui va faire ralentir le cœur. Fait que l'acétylcholine, c'est comme une espèce de slow down. Alors, c'est bien beau, on a un chef d'orchestre qui s'appelle le nœud sinusal, mais comment est-ce que le potentiel d'action, l'impulsion électrique, se rend au reste du cœur afin qu'il batte de manière synchronisée? Parce que ça serait le fun que le cœur batte tout en cœur. Ah. Bien, c'est que le cœur est plein de trous, en fait. C'est juste que le cœur, il est tout troué de tout partout. C'est les cardiomyocytes sont connectés entre eux par des trous ou on appelle ça aussi des jonctions communicantes qui permettent au potentiel d'action qui est constitué, en fait, d'un influx électrique. Tout simplement, là, c'est vraiment des ions qui se propagent là, de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. Puis ça, cette espèce de signal électrique-là doit être propagé rapidement et avec synchronisation afin que tout le cœur batte en même temps. Puis c'est des espèces de trous qu'on retrouve dans les parois des murs des cellules qui sont une à côté de l'autre qui va permettre comme une espèce de mouvement tout ensemble. C'est comme le iCloud du muscle. Ouais, c'est synchronisé. Donc, lorsque le nœud sinusal envoie un potentiel d'action, tous les autres cardiomyocytes du cœur se contractent ensemble. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Hein? Le potentiel d'action qui part de l'oreillette, donc du nœud sinusal, va faire se contracter rapidement l'oreillette. Ça, c'est le poum du poum-poum, le premier poum. Ah, OK. OK. Mais il se rend aussi, c'est un signal électrique, il va se rendre au nœud dit atrioventriculaire qui se situe dans le septum qui sépare les deux oreillettes. Fait qu'on a comme le truc qui est en haut à droite qui dit « Aïe, bas! » l'oreillette, excusez, il parle probablement pas québécois. L'oreillette. C'est un français, maudit. Oui, c'est ça. Allez, battez. Battez du coup. Hein. Battez, ouais, du coup. Bon, donc on a les oreillettes qui battent, mais aussi on a le signal électrique qui continue le long du septum. Ça, c'est l'espèce de petite paroi entre les deux oreillettes et qui va aller joindre le nœud atrioventriculaire. Et lui, c'est notre deuxième chef d'orchestre. Mettons, c'est le chef d'orchestre pour les gens du bas. Il va envoyer le signal par le faisceau de His. H-I-S. His, ça aussi, His. C'est rock. Y a-t-il un mosh pit quelque part là-dedans? Oui. Oui. Oui. Wow. Puis il y a des devil fingers, puis des. Du hat-banging. Oui, puis il y a des manches pis tout ça. Puis ce signal. T'as l'air à avoir des souvenirs de manches. Non, jamais fait de t'en ferais pas un en ce moment, mettons. Non, mais. Avec les... Non. Ton état intercostal t'en empêche. Donc, exact. Après ça, c'est le nœud atrioventriculaire qui va dire « Hey, les ventricules, c'est à vous autres! » Fait que les ventricules font le deuxième poum, vont faire le poum-poum, parce que juste un poum, tout ça, ça fait dur. Fait que c'est pour ça qu'on a un cœur qui fait poum-poum, parce que au début, oreillette, ensuite ventricule, et c'est ça. Ça, c'est pour la partie simplifiée de comment un cœur fonctionne. Okay. La partie compréhensible. Poum-poum. Hein? À partir du nœud sinusal, qui est notre big chef d'orchestre, notre espèce de Yannick Nézet-Séguin du cœur. Ah, wow! Qui est comme un grand garçon, capable de faire aller son orchestre par lui-même. Il n'y a pas besoin de rien d'autre. On serait mort. C'est pour ça que des fois, comme on est mort, mais notre cœur bat, je sais pas. Ou bien, on met notre cœur dans un flasque. As you do. D'habitude, on met ça dans un bécher avec une solution d'ion quelconque, puis le cœur est capable de battre seul. Youpidou. Bon, mais faites pas ça à la maison. Non, c'est ça. Décortiquons-nous. J'essaie quelque chose. Mais quand tu parleras du système sanguin, tu pourrais y aller avec un jeu de mots de Yannick Nézet-Sanguin. Oh mon Dieu! Je savais pas qu'il y avait pas de gain. Sanguin! Oh! No pain, no gain. Ça, c'est parce qu'il y a pas de pain. Il y a pas de pain. Pas de pain. Pas de pain. Son pain sanguin. Porcelain. Pas de pain sanguin. Pas de pain sans pain sanguin. Ok, excusez. Si jamais je le rencontre un jour, je vais dire la joke. On peut y aller. Je pense que le sujet était assez éprouvant, en tout cas pour moi. Là, je trouve que c'est un sujet un petit peu compliqué à expliquer avec toutes les espèces de gros mots. Là, parce que j'arrête pas de sacrer depuis tout à l'heure ceux qui viennent juste d'arriver. Ouais. C'est... Mais tu sais, là au moins on sait comment le cœur fait pour battre. Boum boum. La prochaine fois, on saura il comment fait... le bat fait pour. Hein? Boum boum. Ouais, c'est ça. Non, il fait pas boum boum. Ah, c'est vrai, il fait boum boum. Boum. Okay. C'est important. J'aime que mon gag de bat est passé complètement inaperçu. Vas-y avec ta musique. Ah, ton bat de. Ton... Mon quoi? Ton gag c'est de. C'est quoi le gag? Vous êtes tombé des affaires bizarres. Je sais pas de quoi vous parlez. Donc, on a des pièces de cœur à écouter, je te gagne. Oui, on a The Kills qui vont nous jouer à l'instant. The Heart is a Beating Drum. Ouais, parce qu'il y avait pas de chanson qui s'intitulait Nœud sinusal en la mineur, tu sais. Oh, fait misère. Qu'on écoute ça. Délicieuse chanson. Moi, je les aime, The Kills. Écoutez, c'est une pertine. Ouais, ouais, les percussions, là, c'est comme un cœur, là. Non, comme beaucoup trop compliqué. Okay. Pas chanteuse. C'était Pacemaker de la Patère Rose avec frontwoman Fanny Bloom. Oui, c'est quelqu'un de plus belle que toi quand elle chante aiguë. La chanson d'avant, là, c'était Pacemaker, mais cette fois-ci de Breton. Je ne sais pas comment prononcer. Il y a un accent au Breton. Est-ce que c'est Breton? Est-ce que c'est... En tout cas, bref. C'est russe. Eux autres. Breton. C'est russe. C'est Breton. Breton. Le premier, c'était The Heart is a Beating Drum de The Kills. Ouais. Fait que devinez de quoi qu'on parlait. Non, de biscuit breton. Pas le pacemaker, pas le stimulateur cardiaque de votre grand-maman ou de votre grand-papa. Non, on parlait du stimulateur. Ou du chat Mathieu. T'es rendu là. Pendant la pause, on parlait du chat très âgé. Oui. Ben, il est pas si âgé que ça. Ben, 12, il est comme 12-13 ans. Ans. Mais c'est il la est moitié dans... de sa vie, sûrement. Genre. Il y a comme des cataractes de Shawinigan. Une cataracte de Shawinigan. Il y a les dents qui pendent. C'est toujours mieux que d'avoir les potréates de Trois-Rivières. Les globules rouges. Il manque un œil. Fait qu'il y a des cataractes sur son, dans son bon œil. C'est pas bon. C'est pas, c'est ben, ça. J'aimerais ça qu'elle garde son œil. Fait que là, va là, pas bien, là, son affaire. Ben, moi, je pensais que Justine allait comme me dire ben oui, mais c'est commun et tout le monde fait ça. T'sais, je racontais que mon chat, il a fallu prendre un échantillon de son sang, comme un 3 millilitres genre, de sang, enlever les globules rouges, blablabla, et y faire un autosérum. Fait que là, il faut que j'y pitche une goutte de son propre sang dans son propre œil aux 4 heures, même la nuit. Tu sais, man, Frankenstein était moins spécial que ça. C'est ça. Mais vraiment. Je pensais que tu allais me dire ben oui, tout le monde fait ça, des autosérums, mais tu n'as pas l'air de trop savoir trop. Hein. Ben. Elle est pas vétérinaire. Non, mais je pensais que chez les humains, on pouvait faire ça aussi, un autosérum. Ben, probablement, mais je suis comme pas médecin dans la vie, moi, là. Non, c'est ça. Mais tu connais tout, d'habitude. Ben oui, mais j'utilise des sérums au laboratoire tout le temps, mais c'est des sérums de and cheval. Des petits sérums and coke. J'ai fait la blague à la vétérinaire, elle a trouvé drôle. Ouais, ben ça, c'est une joke de on sait quel humoriste. Ah, t'es pas sérieux. Je te jure. Mais ils ont tout fait. Moi, j'ai du mérite parce que je les ai trouvés par moi-même. J'ai jamais entendu François Pérusse. T'es rite. En tout cas. Il y en a un autre qui s'en vient, une autre gang de Pérusse, hein, c'est ça. Ils ont tout fait. Je peux plus rien dire. Non, mais tu non. peux rien dire. En tout cas. Tout est copyright. C'est ça. Ouais. Bref. En tout cas, mon chat. Hein? Ouais. C'est ça. On a parlé de pacemaker, de du cœur, de comment le cœur fonctionne lui-même, bat, comment il bat. Hein? Ouais, comment il bat. C'est ça, comment il bat. Poum, poum. Ça, c'est, on a appelé le mot P-O-U-M. Trait d'union, P-O-U-M. C'est ça. Wow! Dis même ça a l'air plate en maudit. Ben non, mais c'est intéressant. À partir du nœud sinusal, on se souvient, notre chef d'orchestre du cœur. Yannick Nézet sanguin. Yannick, nœud sinusal. C'est y. Point. Point. La chef de M. Yannick Nézet. La chef. Négan? As-tu dit Négan? La chef. Espèce de raciste. M. Mais c'était la chef de quoi, hein, l'original? Hein? La chef de M. Séguin. Ah, ben oui, voilà. De M. Nézet Séguin. Parce que ses parents se sont mariés. En tout cas, vrai. Ben ouais. Il avait pas le même nom de famille. Compliqué cette histoire. La mère, elle voulait pas. C'est ça. S'appeler. C'est dorénavant, c'est la chef de M. Négas. Nigger. Sagouine Nigger. Oh, wow. Sagouine. Oh, God. Sagouine, c'est homophobe et raciste. Ah, sérieux? Ça a pas d'allure. Tu défies Sagouine. Les conventions, ouais. Magwin ou Tagwin? Ah, je sais plus. Les Gwyn. Comme une scie. Une scie Gwyn. Et hey, scie. Tu et connais on sait un les... nom de scie, toi? Oui, et on sait que les scies chassent les raies. En tout cas, ils les aiment. C'est ça. Ils les aiment dans la raie. Ce qui signifie qu'on va arrêter ouais, bon. La collecte là. Hein? Et on te remercie, Justine Nézet-Séguin. On te retrouve la semaine prochaine. Oh, je m'en vais faire une sieste, je pense. Ouais. Hey, je suis pas réveillée à matin. C'est de bonne idée. Hey, t'as Tania qui a passé des nuits à l'hôpital, qui a dormi comme 24 heures de suite, puis qu'il y a des problèmes de côte. T'as Justine. Oh, je pensais que ça allait dire un problème de coke, là. J'étais comme ça, je pas en onde. Il y a moi qui va donner un médicament aux 4 heures à mon chat, fait que je dors pas. Toi, Justine, t'as raison, c'est quoi? Ben, j'écrivais ma chronique. C'est vrai, bon, ouais. Mais c'était pas si compliqué que ça, c'est juste que je lisais, puis c'était vraiment intéressant, puis je vous ai pas dit la moitié des choses qui constituent un battement de cœur, mais c'est juste que je peux pas commencer à parler de potassium, calcium, puis de sodium pour le fun de même. À cette heure-là, le matin, on va avoir des recours collectifs pour que j'arrête d'être trop... intelligent. Ben, c'est pas de l'intelligence, c'est de la... Je me complique la vie, là. Ouais. Mon but, c'est de vulgariser, fait que j'ai été vulgaire. J'ai dit un mauvais mot, ça finit là, ma chronique. Un mauvais Movember. Un mauvais mot. Vember. Vember. Vember. Vember. Hey, Vember Weekend. Je pense le band. Hein, vas-y. Vember Weekend. Ça arrive, ouais. Ça fait pousser la moustache, ça marche pas. Non, hein? Non. Un jour, tu vas l'avoir. Mais toi, ça te tente pas de te faire... Parce qu'en ce moment, Mathieu, vous le voyez pas, mais il y a comme une barbe d'une belle longueur. Pis... Je l'adore à cette longueur-là. Ouais. Ben good. Ben, ça te tente pas de comme raser le reste puis genre d'appuyer les prostates du monde? D'appuyer sur les prostates de tout le monde. Hey, toi! Ploup! Hey, toi! Viens ici que je te teste! C'est ça? Ouais. Gratuitement. Ouais, c'est ça. Ah, ben. Ouvre-toi un stand au Néré Beauchemin. Prostate Fingering Inc. Wow! Fingering. Fingering. Ouais. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. plongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Au Pakistan, une sandwicherie sexiste est contrainte de faire marche arrière. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Eh bien, des plats portant le nom de violeurs et des publicités comparant la femme à un sandwich d'un restaurant d'Islamabad qui pensait avoir trouvé la formule le choc a offert, sans le vouloir, une petite victoire aux féministes en étant contraint de faire marche arrière. Table numéro 5, un petit établissement sophistiqué, oui, arborant Tour Eiffel et autres références occidentales, cherchait les bons arguments pour attirer une clientèle aisée prête à tourner en dérision le discours féministe. Mais il lui a fallu ravaler ses slogans après une avalanche de critiques sur les réseaux sociaux, ainsi que la visite d'enquêteurs municipaux. Une petite victoire pour le féministe dans un pays musulman conservateur où les militants des droits des femmes commencent à hausser le ton. La controverse a démarré lorsque le café-restaurant lancé il y a quelques semaines par une femme a mis en ligne sur sa page Facebook des publicités considérées comme sexistes par ses critiques. Et ça a été ouvert par une femme. OK. Le menu honore des célébrités condamnées pour des violences contre les femmes avec des sandwichs portant le nom du chanteur américain, entre autres Chris Brown, jugé coupable d'avoir battu son ex-compagne Rihanna, ou encore du boxeur Mike Tyson, qui a été déjà condamné pour viol. C'est quoi l'idée de cette sandwicherie, en plus ouvert par une femme? Une folle! Je m'excuse, mais celle-là, je ne le retiens pas. Une autre publicité fait du sandwich un droit de l'homme servi par la femme. Un graphique compare la femme qui pleure et qui vous brise le cœur au sandwich abordable et d'une source de joie. Elle dit que c'est juste pour s'amuser, assure les animateurs de la page Facebook qui ont participé à la conception de la campagne. Tout ce que nous voulons, c'est vendre nos sandwichs en faisant quelques blagues. Oh, quelques blagues que t'es le seul à trouver drôle. Le restaurant a reçu un déluge de critiques pour ses slogans qui sont immatures et misogynes, mais aussi le soutien de nombreux Pakistanais qui apprécient un tel humour et qualifiant les critiques de féminazis. OK. Ah oui, c'est ça, c'est d'être nazi, ça, de pas vouloir... encenser des violeurs puis du monde qui battent des femmes. C'est drôle, c'est très drôle. Interpellés par des administrés, les autorités municipales s'en sont mêlées. Si nous découvrons qu'ils ont utilisé des noms offensants, eh bien, nous prendrons des mesures. C'est ce qu'a affirmé le capitaine Abdul Sattar Houssani du département de la sécurité alimentaire qui a indiqué avoir envoyé un officier dans l'établissement. La sandwicherie s'est finalement résolue à changer le nom de ses plats, reconnaissant que ses détracteurs avaient gagné cette partie. Mais eux, ils continuent à trouver que c'est des bonnes idées, là. Hein? Ouf! Donc, n'allez pas manger dans cette sandwicherie. Si vous voulez plus être heureux dans la vie, eh bien, mangez cet aliment, vous le serez désormais plus heureux. Mais de quel aliment hein, qu'on parle? Si vous cherchiez le bonheur, le secret du bonheur, il semblerait qu'il se trouve dans un yogourt à la vanille. Ben oui, aussi simple que ça. Selon ce que dévoile une nouvelle étude menée par le journal Food Research International, la présence de probiotiques dans le yogourt à la vanille aurait des effets bénéfiques sur l'attitude de celui qui en mange. Afin de tester cette théorie, les chercheurs ont fait goûter à 24 participants divisés en 3 groupes, 2 sortes de yogourt étiquetés de la même façon, la seule différence étant la saveur et le taux de matière grasse. Les participants ont ensuite été invités à évaluer les photos des autres participants se basant sur 6 traits de personnalité positifs et négatifs. Les chercheurs ont ensuite utilisé leurs réponses pour mesurer le niveau de bonheur de leurs collègues. En conclusion, les participants qui avaient mangé du yogourt aux fruits restaient neutres, tandis que ceux qui avaient ingéré du yogourt à la vanille démontraient plusieurs signes de bonheur. Mais on s'en va tous acheter du yogourt à la vanille. Notons également, et du yogourt grec, hein, parce que c'est moins gras, faut pas oublier. Notons également que les gens qui mangeraient du yogourt allégé avaient également des réactions émotionnelles positives. Évidemment, plus de recherches doivent être faites avant d'affirmer que le yogourt à la vanille rend heureux. Mais si j'étais à votre place, j'essaierais quand même d'en manger plus souvent. C'est pas assez le fun, des nouvelles de même, j'adore. La prochaine, j'adore encore plus. Le titre est savoureux. Le titre est savoureux. Peut-être pas la substance, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais c'est totalement dîner de con-esque. Vous allez voir, une blogueuse se couvre le visage de sperme chaque jour pour avoir une peau douce. Oh, oui, vous avez bien compris. Hein? Donc, cette blogueuse de beauté a démontré une approche plutôt inusitée à la beauté naturelle en se faisant un traitement facial de sperme quotidien. C'est ce qu'a rapporté le Daily Mail. Tracy Kiss, 28 ans, une fille d'Angleterre, a publié sa vidéo sur la chaîne YouTube décrivant le processus comme un traitement naturel, rafraîchissant, etc. pour apaiser la peau sensible. La mère célibataire de 2 enfants a affirmé qu'elle obtient le sperme d'un ami et le frotte ensuite sur son visage, le laissant reposer de 5 à 20 minutes. Kiss souffre de rosacée, une maladie cutanée qui se manifeste par des rougeurs sur le visage. Elle affirme que son traitement facial quotidien au sperme fait des miracles pour améliorer sa condition. La mère a dit que l'idée lui est venue lors d'une conversation à propos de remèdes naturels avec son esthéticienne. On a d'abord abordé le sujet des traitements faciaux au sperme, c'est ce qu'elle nous raconte. J'ai ensuite commencé à faire des recherches sur l'utilisation du sperme comme ingrédient de traitements faciaux et j'ai trouvé que plusieurs experts ont confirmé les bienfaits pour la peau. Le sperme fait des bébés et ils sortent tout doux et ont une peau magnifique. Il rend ma peau toute belle et lisse, alors je suis très contente de l'utiliser comme traitement facial. Alors, mesdames, hein, le facial, c'est la vie. Des vétérans décrivent leur premier homicide dans une vidéo qui est très, très percutante. Tuer une autre personne dans l'exercice de ses fonctions est quelque chose que la majorité des gens n'auront jamais à vivre. Mais pour ceux qui l'ont fait, c'est un événement qui peut changer profondément à tout jamais la vie, comme le démontre cette vidéo. Ces anciens combattants donc racontent le moment où ils ont tué une personne pour la première fois durant le combat. Les collaborateurs ont pris part à différentes guerres comme celle du Vietnam, celle du Kosovo ou même de l'Irak. Premièrement, je vous parle de Loni. Loni, il raconte ça, il dit « J'étais seul ». J'étais le seul qui n'était pas blessé. J'étais terrifié. Je criais pour de l'aide. Mais j'ai réalisé que j'étais toujours seul. Ensuite, j'ai vu deux petites têtes passer. Et quand j'ai vu sa silhouette, son emblème rouge, etc., eh bien là, j'ai tiré. Donne pas plus de détails, mais gars, il a vu passer deux petites têtes et l'emblème rouge. Donc, il voyait que c'était pas un de ses amis. Il a tiré. Si je parle de Lance, eh bien, il dit « Nous avons été victimes d'une embuscade et notre autobus a explosé. Mes oreilles bourdonnaient et tout était au ralenti. Il y avait une carabine au sol, alors je l'ai ramassée et j'ai couru vers le tireur. J'ai réalisé par la suite que j'étais le seul à sortir vivant de cet autobus. » Sinon, l'histoire de Josh, eh bien, lui, il dit « Nous étions près d'une maison et une femme est sortie. Nous ne tirons pas les femmes ou les enfants sur le champ de bataille, mais nous étions dans le feu de l'action et nous avons vu la femme ramasser une mitraillette, alors nous l'avons tirée. » Ah, c'est juste de lire les faits, c'est déjà prenant, imaginez. Dan, lui, nous raconte « Nous avons installé des mines qui contiennent environ 700 boules de métal. Nous avons trouvé une personne vietnamienne très jeune qui venait de perdre la moitié de ses jambes. » Lui était à la guerre du Vietnam. Sinon, Kassim, en Iran, ils viennent tout près de nous la nuit pour nous attaquer et nous tirons un peu partout. Je suis alors arrivé face à face avec un homme et il m'a dit « Fais juste me tuer, je ne veux pas vivre, alors je l'ai tué. » Et ouais, ça, quand tu as un contact avec même un dialogue avec la personne que tu vas tuer ensuite, ça doit être assez marquant. Sinon, l'histoire de Jonathan, lui, dit « J'ai fait les trois premiers pas et c'est là que les tirs ont commencé. La situation est semblable à une expérience extracorporelle où tu regardes la situation de là-haut. » Donc, t'as comme pas l'air d'être là. Wow, hein? Je vous en parle et puis le poil me lève sur les bras. Ouf! On va aller vers quelque chose de plus scientifique ici. C'est des astronomes qui ont découvert l'objet le plus lointain de notre système solaire. Des astronomes, donc, qui ont découvert cet objet le plus distant connu à ce jour à l'intérieur de notre système solaire. Cette nouvelle planète naine, baptisée V77-4104, mesure de 500 à 1000 km de largeur, selon ces chercheurs qui ont présenté leur découverte à la conférence annuelle de l'American Astronomical Society, réunie à National Harbor près de Washington, dans le Maryland. Il faudra encore un an avant de pouvoir déterminer son orbite de façon précise, mais selon ces astronomes, cette planète naine pourrait rejoindre une catégorie émergente d'objets évoluant aux limites de notre système solaire, dont les orbites étranges suggèrent l'hypothétique influence d'une autre planète inconnue ou d'étoiles voisines. Nous ne pouvons pas expliquer l'orbite de ces objets avec ce que nous savons à l'heure actuelle, souligne Scott Shepard, un astronome de la Carnegie Institution pour la science à Washington, qui est l'un des co-auteurs de cette découverte qui a été faite à partir d'observations effectuées avec le télescope japonais Subaru, comme la marque de voiture Subaru. Le précédent objet le plus éloigné du Soleil était la planète naine Eris, qui possède aussi une lune et qui évolue sur une orbite variant de 5,7 milliards à 14,6 milliards de kilomètres de notre Soleil. Donc, c'est une elliptique. Hein? On voit que c'est pas une orbite qui est circulaire, c'est beaucoup plus ovoïde. En comparaison avec la Terre, elle, on est à 149 millions de kilomètres du Soleil, ce qui correspond à une unité astronomique, mais beaucoup plus petite. À l'autre, c'est 5,7 milliards de kilomètres. Nous, on est à juste 149 millions de kilomètres. La sonde américaine Voyager 1, lancée en 1977 et qui est sortie en 2012 de la zone frontalière du système solaire, appelée l'héliopause, se trouve actuellement à environ 20 milliards de kilomètres de notre Soleil. La question que se posent surtout ces astronomes est de savoir si V774104 évolue à l'intérieur du système solaire comme Iris ou en dehors, à l'instar de d'autres corps célestes très lointains comme 2012 VP113 ou Sedna. Ce dernier objet évolue jusqu'à 140 milliards de kilomètres de notre beau grand Soleil. Hein? C'est génial. Maintenant, ici, c'est dans un tout autre ordre d'idées. Là, on s'en va plutôt vers de l'écrapou. Oui, on s'en va dans l'Essonne. Triste histoire pour cet homme qui s'est tué en voulant réaliser un salto arrière dans une discothèque. Jouer les m'as-tu vu hein, dans un bar quand t'es un peu éméché par l'alcool, c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc, c'est un terrible drame qui est arrivé dans la nuit de mardi à mercredi à Savigny-sur-Orge. Il était aux alentours de 3 heures du matin dans la discothèque Le Gossip, alors qu'un homme âgé d'une trentaine d'années a tenté de faire un salto arrière sur la piste de danse. Malheureusement, le client, qui était un peu éméché, s'est raté et sa tête est venue percuter violemment le sol. Il s'est pas raté, mais il a raté son salto. Il était apparemment sur une estrade, sa tête a percuté le sol et il a fait un arrêt cardio-respiratoire. Les secours ont pu le réanimer, mais il est mort peu après à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre dans Val-de-Marne. Arrivé sur place, les policiers ont dû faire face à quelques réticences, comme le rapporte Le Parisien. Les clients n'ont pas tout compris. On a été perçus comme des empêcheurs de s'amuser. Des gens ont râlé, certains ont même tenté de donner des coups aux policiers et il y a eu même des insultes. Sur le parking, les fonctionnaires ont dû faire usage de lacrymogène. La discothèque a été évacuée et un trentenaire a été interpellé et placé en garde à vue pour violence et rébellion aux policiers. Les gens comprenaient pas trop que les policiers étaient là juste pour aider quelqu'un qui venait de se tuer, dans le fond. Hein. C'est un peu triste. Hein. Sinon, on s'en va vers Lyon. C'est un chauffard qui percute volontairement un cycliste. Donc, sur les images enregistrées grâce à une dashcam fixée sur le casque du cycliste, on peut voir l'automobiliste fou klaxonner avant de se déporter et de percuter le deux roues. Ce dernier va alors perdre l'équilibre, poser son pied à terre et se faire rouler dessus. Le conducteur, lui, va ensuite accélérer et prendre la fuite. Bravo, champion! Vraiment un épais. Ou même un étron, je dirais. La victime a depuis alors porté plainte pour menace avec arme et pour coups et blessures volontaires avec arme par destination. Dans la description de sa vidéo, l'homme explique qu'il se rendait à son travail et qu'au moment de l'agression, il roulait à 26 km sur la droite de la chaussée sans gêner personne. Et finalement, avant d'aller en musique, je vous parle de ce... Ouf, non, c'est un trop gros dossier. On va laisser faire avec ça. Donc, c'est ça. On s'en va avec Malajube. Une petite pièce toute rapide, mais vraiment très, très bonne. Je vous parle de la maladie. Ben, je vous en parle pas, mais Malajube va vous en parler. Alors, let's go, Malajube. On se rejase. Je vous rejase ça dans 1 minute 30. C'est perdu, jujube sur mon cœur. Qui bat trop fort. Malajube et la pièce La Maladie, tirée de leur excellent album Compte complet. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Enfin l'émission le jeudi. Mm-hmm. Et jeudi veut nécessairement dire qu'on a faim parce que la fête de semaine arrive. Oui. On veut se gâter un petit peu. On enlève toutes les règles de l'art culinaire pour se s'empiffrer d'une grosse pointe d'allégresse. C'est une grosse pointe tendresse, c'est la chronique dans laquelle on goûte à un produit du tiroir, c'est-à-dire acheté au dépanneur, au magasin du coin, magasin général, peut-être trouvé dans le fond d'un tiroir quelque part, on sait jamais. L'épicerie, ouais. Oui, mais on n'a pas les, on n'a pas le Denis chose. Hein. Non, de l'épicerie. Ouais, non, malheureusement, lui, ben, on l'a caché dans le garde-robe, mais il sortira pas. Non, c'est ça, on voulait goûter, mais il a dit non, merci. Non, merci. Donc, on a aujourd'hui deux produits à écouter. À écouter. Écoutons-les. Oh, attention. Pas grand chose à dire. Il parle turc, je crois. Oh! Attache ta turque avec la broche, comme on dit. C'est ça. On va commencer par toi, Tania, étant donné que t'es la femme du bord. La femme de l'or, la femme du bord. D'accord, ben, en fait, hier, je suis passée à l'épicerie avec ma mère. Puis là, j'ai pensé justement à oh mon Dieu, mais ça me prend quelque chose de bizarre. Pour m'impressionner, à vous. Pour impressionner Matt, fait qu'on est allé dans la rangée des choses bizarres. Des affaires internationales qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ouais, mettons, les choses qui viennent pas nécessairement d'ici. Et je suis tombée sur des Hazar Baba. Hazar Baba? Je sais pas si c'est le même, faut le dire. On va dire le même, mais parce que c'est ça me semble être un bonbon, mettons, turc. Ça s'appelle délice de Turquie avec pistache. Et en fait, c'est comme... Une chose, c'est pas la dinde, parce que Turkish Delight, je me serais dit peut-être que ça goûte la dinde. T'sais. Mais non. Non. Mais ça m'a l'air, honnêtement, de comme une pâte mélangée avec des fruits secs et des pistaches. Mais tantôt, Justine, qui était avec nous pour la précédente chronique, nous a dit qu'elle adorait ça, ces bonbons-là. Et oui. Elle a dit, si vous aimez les bonbons, les fruits secs et la pistache, oui. C'était pas mal ça. Ça goûtait surtout ça. Il y a peut-être d'autres affaires. Fait que je peux te lire le dos, si tu veux. Ça dit... Lis-moi le dos. Tu massages avec ça. Alors, ça dit, le loukoum, un produit turc par excellence, est un des desserts les plus exquis au monde. Oh. Il fut découvert par le légendaire Hazar Baba en Anatolie. En Anatolie. Oui. Ce dessert traditionnel fut introduit en Europe au 18e siècle et devint une confiserie de renommée mondiale, dûment nommée depuis lors délice de Turquie. J'ai cherché à savoir qui était Hazar Baba et j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Hein? Fait que c'est dur. Fait que c'est ça qui est ça. C'est pas grave. C'est vraiment, ça dit vraiment produit de la Turquie. C'est comme pas fait ici, là. Ça dit manufacturier Hazar Baba Hidarsan Hissfresne de Kemal Tukler Marsoumerkad à Animeli. Alors, d'après c'est plus facile, moi. C'est ça. Alors, d'après moi, ça vient vraiment de là-bas. Waouh! On se croirait à assemblage turqui au lieu de requi. Je suis d'accord. C'est ça. Et, je vais pas te lire la valeur nutritive. Non. Déballe-nous ça dans le micro magique. Est-ce qu'il y a des détails? Il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a pas vraiment d'autres détails. Il y a un code barre. Il y a un code barre. J'imagine qu'il va y avoir des pissages dedans parce que c'est marqué au pissage. Oui. Je vais essayer de l'ouvrir sérieusement parce que c'est quand même très difficile. Fait que je vais peut-être avoir besoin d'utiliser mes dents. D'accord. Mais c'est une boîte en forme un peu d'arrestop. Combien de côtés? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est quoi ça? Un hexagone? Hexagone, je crois, 6, il me semble. Oui, hexagone. Donc, un hexagone, et puis emballé de plastique tout autour. Elle y va avec ses dents. Attention. Fais-toi pas mal aux dents, t'as déjà assez de problèmes de côte demain. C'est ça. J'essaye. Oui, on le voit très bien à la caméra 3, essayer de tirer sur le plastique de cet emballage. On voulait vous donner le vrai effet, là, de l'entendre s'ouvrir. Il est bien emballé. Et voilà. Ouf. Maintenant, la boîte s'ouvre, Alibaba. Oh, ça sent bon. Mmh. Et c'est comme... Enlève le petit plastique dans le micro aussi. Dans le micro? Ah, celle-là. OK, j'ai essayé de la faire. Un petit plastique. Ça a l'air d'un fromage brie dans le sac. Ah, OK. Est-ce que c'est comme une brique? Est-ce que c'est pogné tout ensemble parce que les bonbons ont collé ensemble? C'est coupé. C'est coupé. Je sais plus dans quel micro ça va parler. Parce que si tu parles dans celui-là, ça parle super fort. Ça sent les beignes. OK. Est-ce que c'est le petit sucre blanc dessus? Oui, parce que c'est comme du sucre à glacer. OK. Je vous avoue que ça sent très bon. OK, j'ai très hâte de goûter si ça sent aussi bon qu'un beigne. Je vais te le passer dans le cordon magique pour que tu puisses sentir et en prendre. Merci beaucoup. Oui, c'est bizarre comme apparence, hein? Ouais. On a un peu de sucre en poudre, comme t'as dit, et ça a l'air un peu gélatineux de loin. Ouais, c'est vrai. Je vais en prendre un sur le côté. J'aime bien les côtés d'habitude dans les trucs comme ça. Je vais en prendre deux, t'sais. Ben oui, vas-y. Voilà. Garde-toi, comme ils disent. C'est bien, ma chère. Tu sais, pas toi, garde-toi. Garde-toi. C'est le même qui bon, dit. Bon, je vais avec l'odeur, moi aussi, juste pour le fun. Je pense que je vais prendre, moi aussi, un côté, puis un milieu, mettons. On pense pareil. Ça m'a l'air quand même moelleux. Moelleux, OK. Tu sais, on dirait que l'extérieur est comme croustillant, puis que le dedans est moelleux. Si tu le mets pas à bonne place ou que tu te touches un peu au nez, tu vas vraiment avoir l'air d'avoir pris de la coke comme on a. Ouais, fais-tu le test? On va chercher du café après. OK, on s'essaie avec un Turkish Delight dans la bouche à l'instant. Get in my bill. Au début, c'est spécial le goût en bouche. Hein? Vas-y. Ça goûte les pistaches. Mm-hmm. C'est un petit peu dur à mâcher. C'est une grosse bouchée. Ouais. On sentait qu'il aurait pu les faire à moitié grosses de même. J'aime ça. C'est pas un goût très puissant. J'adore ça. C'est très bon. Très gélatineux, comme j'avais dit. C'est très squishy. C'est pas trop fruité. Non. Pas trop... J'aurais peut-être mis un petit peu moins de sucre glacé sur le dessus. Mm-hmm. J'aime la sensation en bouche. La texture est bonne. C'est vraiment comme un jujube. Puis t'as comme la pistache qui vient ajouter un petit peu de croustillant et tout ça. Mm-hmm. C'est plaisant. J'aime ça. Pousse en l'air pour moi. Moi aussi. Surtout avec la moustache de coke que ça va nous faire à la fin. Oh, OK. Tania a essayé, juste pour voir si c'était possible de prendre seulement une bouchée. Avoir... C'est possible. C'est possible. Avoir sur la table, ça te fait des restants pour plus tard. T'sais? L'intérieur est vraiment de la gélatine. Ah, si tu voulais voir l'intérieur. C'est un peu couleur jaunâtre, brunâtre un peu. Un genre de pipi foncé, mettons, si on veut. Pour être vraiment descriptif, tu sais, celui qui sent fort. Donc, c'est ça mais l'intérieur. Mais oui, il a vraiment raison, le pire. Ben, c'est ça, et ça ressemble un petit peu aussi genre à l'apparence de jujube, mais aussi genre du formol dans lequel tu mettrais la tête de quelqu'un dans Futurama quand ils sont en suspension, en du liquide. Mais je me demande, la gélatine, en théorie, tu sais, c'est quoi? C'est quoi? As-tu lu les ingrédients? Ben... Les ingrédients, ça dit sucre, amidon de maïs, eau, noix de pistache, acide citrique, vanilline, et ça peut contenir des traces de noisettes et ou mini-vanilline? Comme le groupe de musique. Alors, mais c'est bon, j'aime c'est ça. Bon. J'y mets mon pouce dans les airs. Exactement, deux pouces en l'air pour ces Turkish Delights de... c'était quoi le nom déjà, Baba? Hajar Baba. Hajar Baba. Je te demande ça alors que j'ai quelque chose dans la bouche. On fera le mien tantôt. À la fin de la chronique, pour l'instant, quelques nouvelles de fast-food. Commençons par ceux qui sont tannés de partager. Taco Bell a le nacho antisocial pour toi. C'est parfait pour les misanthropes. Donc, est-ce que vous êtes une personne avare qui n'aime pas partager ses nachos avec ses amis? Eh bien, Taco Bell a un gigantesque nacho juste pour vous. Dans une nouvelle pub de Deutsche LA, un jeune homme avec exactement le genre de comportement qu'on s'attendrait à voir de quelqu'un, dans le fond, qui ne veut pas partager son nacho, parle des injustices du partage, l'institution sociale, Donc un sentiment qu'on a peut-être tous senti à un jour ou un autre, de ne pas vouloir partager. C'est tout. On va l'écouter, tiens, pour ben le oui. fun. Écoutons-la. C'est comme un genre de bloc pub, comme on fait d'habitude le bloc pub. J'avais enlevé le volume tantôt. Ah, on va recommencer. Donc, Nacho est partagé. Partagez votre Nachos. Partagez, franchement. Depuis enfant, ça a toujours été partagez, partagez ça, partagez tes jouets, partagez la salle de bain, partagez la route, partagez tes sentiments, partagez tes selfies, partagez les photos de bébés, tellement de bébés. Partage, partage, surpartage. Je veux que le partage arrête. Alors maintenant, nous avons un Nacho spécial juste pour vous, c'était Québec. Il ne doit pas être partagé. Il est emballé, prêt à être emporté pour 1h49. Et partagez pas cette publicité, surtout. Il veut pas qu'on partage la pub. Dans le fond, c'est un nacho à l'intérieur d'un pain, tortilla si on veut. Finalement, c'est comme un taco. C'est comme un taco, mais avec les ingrédients que tu aurais dans un nachos, donc avec de la crème sûre, avec j'ai vu un petit peu de bacon tantôt. Ouais. J'ai vu tomate, poivron. Oui. Fromage. Ça a l'air parfait ça. Je t'accorde que ça a l'air bon, mais comme on l'a déjà dit, il n'y a pas de Moses de Taco Bell ici. Ben, je crois qu'il y en a à quelque part au Canada, il me semble. Oui, même à Toronto, il y en a. Il y en a au Québec, non? Je sais pas. On va aller voir pour le fun. Parce que chez PFK, qui fait partie de la même famille corporate, famille d'entreprise, bref, on parle tout le temps de Taco Bell. Il y a des logos de Taco Bell dans les PFK, donc j'imagine qu'il doit bien avoir au moins un Taco Bell à quelque part. Il y a un site en français, aurait... tout. 3 Taco Bell à Montréal. Ah ben tu vois, je le savais même. Taco Bell, donc ça va s'en revenir. Ça s'appelle, nous évidemment on n'est pas encore rendu là. Nous on vient d'arriver sur le wrap croquant, le boss qui fait quand même un petit boost dessus. Mais c'est le Grilled Stuff Nacho pour $1.49 américain. Ça m'intrigue vraiment beaucoup. Toujours chez Taco Bell, on a parlé la semaine passée d'un croissant plié. Oui, oui, oui, je me souviens de ça. C'était la fin de la chronique. Donc cette fois-ci c'est des coquilles de taco, mais fait à partir de poulet frit. Ah! Pourquoi pas, tu sais, ben PFK oui. et Taco Bell sont associés sur la même grande famille, le même corporate umbrella, Donc, tout ça... Disait-elle. Taco Bell, donc, explore son côté volaille avec les Naked Crispy Chicken Tacos. Donc, un taco avec une coquille faite avec du poulet frit. C'est un gars chez Reddit.com en Californie, donc un utilisateur de Reddit.com qui a vu ce nouvel article chez ce Taco Bell de Bakersfield en Californie pour $2.99 pour un seul taco, $4.99 en convoi avec une grande boisson et un crunchy taco pour accompagner. Donc, la personne sur Reddit dit que le poulet est frit et quand même bon, un petit peu épicé. Foodbeast a réussi à retrouver ses nouvelles coquilles de tacos à Lost Hills, en Californie pour voir donc que c'est finalement un menu limité à la Californie pour l'instant. Ça pourrait s'en venir plus tard ailleurs. Ça contient pas donc le taco ne contient pas plus de viande à l'intérieur de la coquille. On aurait pu étant donné que ça soutient plus de poids le poulet quand même. La liste d'ingrédients c'est de la laitue, fromage, tomate et sauce ranch à l'avocat. Ça a l'air excellent ça. Mais vu que t'as déjà le poulet, ça c'est pas super. You're ready to have the chicken. Ça m'a l'air. Je dois avouer que ça m'a l'air cochon, ça m'a l'air bon. Ce que je donnerais pour du Taco Bell. Oui. Ensuite, on va chez Subway qui amène... On reste dans le taco aussi, en fait, par la bande. Là. Donc, Subway amène le Subway Taco au Japon. Ah ouais? Subway amène le nouveau Subway Taco. Ça, c'est comme un pain plat. Là. C'est comme un pain plat, exactement. Ben, les mêmes pains plats qu'on a chez Subway. Donc, ça ressemble un petit peu à un taco que tu te prendrais dans la station de train, juste avant de monter dans ton train. C'est un sous-marin rempli de bœuf et de salsa épicée. Le Subway Taco vient sur un pain plat, comme tu as dit. Ça inclut votre choix de fromage et de légumes. C'est offert pour un temps limité. Avec d'autres sous-marins qui font partie d'un trio épicé. Donc, t'as le Grilled Tandoori Chicken et le Shrimp Avocado Salsa Sub. Donc, tandoori grillé au poulet... poulet grillé tandoori, pardon. Et salsa, avocat et crevettes. C'était offert cet été chez Subway au Japon. Il y a aussi en Norvège où on a un taco sub qui contient du bœuf, des croustilles tortillas et de la salsa. Tout ça pour vous dire que même si c'est au Japon, vous pouvez vous en faire vous aussi. Hein. Juste vous inspirer des recettes de Subway au Japon. Pizza Hut en Australie amène l'Epic Meat Pizza. C'est comme une inception de pizza. Tu sais, si t'aimes la pizza, là, mettons. Là. Mm-hmm. T'aimes la pizza, mais tu veux de la pizza dans ta pizza. Là. Oui. Donc, c'est la 6-pound pizza. Il y a tellement d'affaires dedans que ça pèse 6 livres. Quoi? 6 livres, Tania. C'est terrible. C'est terrible. C'est en Australie. Donc, c'est ça. C'est des bouchées de pizza. Attends un peu. On va juste s'assurer de ce que je dis. Je comprends pas, c'est parce que c'est ce que l'article dit, mais en même temps, la pizza a l'air de s'appeler la 420 Pie Bites, avec des morceaux de tarte à la viande, de pâté à la viande dans la croûte, donc je sais pas pourquoi on parlait de J'imagine que c'est deux sortes de pizza puis que l'article divague sur deux sujets en même temps. Je m'en excuse. Donc, des pâtes à la viande dans une pizza, la 420 and Pizza Hut. J'adore ça. J'en veux, moi aussi. Pourquoi pas? Hey. Il y a du ketchup sur le dessus. Mais t'as deux sauces tomates, deux petits emballages de sauce tomate ketchup style que tu peux mettre sur chacune de tes... de chacun de tes pâtes à la viande qui sont autour de la pizza. C'est comme un genre d'étoile si on, ou un soleil peut-être. Ouais, un genre de pizza soleil. Pizza soleil. Et donc les pâtes à la viande sont à l'extérieur et la pizza à l'intérieur. J'essaie de relire l'article pour voir. Pizza Hut, du moins ici à Trois-Rivières, ça a comme descendu en popularité, hein? Oui, en popularité, mais en qualité, ça a monté un petit peu. Je trouve vraiment que leur pizza... Il y a une pizza qui est à l'érable et au bacon. Ah, ouais? Elle est incroyable. C'est de la sauce Alfredo qu'il y a dedans. OK. Pour vrai, si ce que je dis là vous intéresse, hein, ces ingrédients-là, érable, sauce Alfredo et bacon croustillant et à l'érable, c'est vraiment, pour moi, je trouve, une des meilleures pizzas de Trois-Rivières. Celle-là, je l'adore vraiment beaucoup. Je l'ai commandée trois fois à date puis j'ai jamais été déçu. Mais tu sais, je me souviens quand j'étais petite, Pizza Hut, c'était comme... C'était big, là, ici, à Trois-Rivières. Puis là, je me suis impliquée, mais dernièrement, je me suis rendue chez Pizza Hut. Je crois que c'est l'année passée. Ouais. Puis... Mais moi, non, je peux comprendre. Par moments, ça laisse à désirer, mais par d'autres moments, moi, j'ai été impressionné par différents modèles. Aussi, leur bouchée de pizza sans os. Là. Ouais. C'est des bouchées, pas de pizza de poulet, des bouchées de poulet avec sauce à l'ail. Moi, je les trouve absolument fabuleux, fantastiques. Je veux jamais que ça arrête. OK. OK, donc c'est dit. Mais j'ai relu l'article, le début de l'article. Là, c'était le gars, il parlait de sa pizza préférée en ville avant de présenter la pizza au pâtes à la viande. Ça n'avait rien à voir. Mais pourquoi tu mets ça dans le titre de bord, t'sais? Non. Ouais, mais tu sais, c'est pour attirer le monde. C'est pour attirer le monde. Peu importe, c'est pas grave. On va passer à la prochaine avec au Japon, toujours au Japon et toujours chez Pizza Hut, en fait. Mais en fait, on retourne au Japon. On avait quitté le Japon. Donc, c'est une nouvelle pizza qui alterne entre fromage, crevettes et petite pochette de saucisses. C'est les saucisses en robe de chambre. Les saucisses en robe de chambre, les petites saucisses enrobées? Ouais, c'est ça, enrobées. Ouais. C'est pas en robe de chambre, ça, c'est celles qui vont au four. Je sais pas. C'est quoi saucisses enrobées de pâte, comment on appelle ça? Les pigs in a blanket en anglais. Les petits chiens. Donc, c'est des petits cochons, on appelle ça des petits cochons. Des cochonnets. Bon, donc la Crazy Pocket 4, c'est des différentes pochettes de pâte qui sont autour. C'est un peu difficile à expliquer. Là, si on la regarde visuellement, elle est dans une boîte et t'as des quadrilatères, si on veut la pizza, comme divisée en quatre. C'est encore une pizza soleil. Et sur la croûte, autour de la croûte, t'as des petites saucisses en robe de chambre ou peu importe, de cochonnet. Oui. De l'autre côté, t'as des pochettes de crevettes. T'as des pochettes de fromage. Donc, ça ressemble un petit peu à la Crazy Cheesy Crust Pizza qui avait été offerte aux États-Unis en 2013, dont on avait parlé. Et c'est maintenant 4. Donc, à l'époque, c'était 4 affaires. T'avais fromage, crevettes et saucisses. Donc, c'est un peu... Non, c'est ça. C'est le nouveau modèle, c'est ça. Elle est passée, c'est pas. C'est compliqué, excuse-moi. Ouais, non, mais c'est correct. Mais ce que je trouve qui est un petit peu bizarre, par contre, dans l'article, c'est que oui, ils disent que t'as 4 sortes de... Petites pochettes. De petites pochettes qui incluent fromage, crevettes et saucisses. Ouais. Elle est où, la quatrième? En fait, c'est qu'il y a deux sortes de fromage. T'as saucisse, t'as camembert, t'as crevette et t'as mozzarella. Voilà. Voilà. Donc, chaque quart de la pizza est garni d'une garniture différente. Différents fruits de mer, margarita et patates et mayonnaise. Patates et mayonnaise, ça a l'air vraiment bon. La Crazy Pocket 4 Pizza, c'est à chez Pizza Hut au Japon. Voilà. Ensuite... toujours chez Pizza Hut, une bague du Super Bowl qui est probablement la chose la plus proche d'une vraie bague du Super Bowl pour vous parce que vous allez probablement jamais gagner la bague du Super Bowl. Pizza Hut donc vous fait profiter de cette bague ESPN Fantasy Football Commission of the Year. C'est une bague pour promouvoir le fait qu'ils sont maintenant commanditaires officiels de pizza. Pour le ESPN Fantasy Football, le Fantasy Football c'est bien populaire pas mal partout là, de choisir ses joueurs et un peu comme les pools de hockey, des trucs de même. Donc le Grand Prix inclut le Ultimate Pizza Hut and ESPN Football Party, donc une grosse fête de Pizza Hut et ESPN, un voyage pour deux au quartier généraux de ESPN à Bristol au Connecticut, une tournée des studios d'ESPN, une rencontre avec les animateurs d'ESPN, 2 ans de Pizza Hut, 2 500 $ de cartes sur Amazon et un buste de bronze imprimé en 3D. J'imagine que c'est d'un joueur de football, j'ai aucune idée. Non, c'est un bus de ta tête. Voilà. Ah, j'aime. Voilà. Immortalisé pour tout le monde. Et en plus de ça, Pizza Hut va inclure un ballon de football commémoratif. Il y a tellement d'affaires, ça arrête plus. C'est fou. Ça n'arrête plus. ESPN.com/fantasyfootball. Évidemment, c'est aux États-Unis, tout ça. C'est triste, quand même. C'est triste. Une chaîne canadienne... On devrait pouvoir participer. On devrait... une chaîne canadienne a décidé d'ajouter du beurre d'arachide Reese à son burger. Hein? Étrange, hein? Oui. Ouais. Au Canada. Donc, les... c'est pas juste... c'est ça. C'est le Reese's PBC. Le Peanut Butter Chocolate Candy à l'intérieur de la boulette de bœuf. Et encore plus d'ajout de Reese's sur le dessus. C'est du bœuf, du chocolat, du beurre d'arachide. Pourquoi arrêter là? C'est rempli de bonbons Peanut Butter Cups de Reese directement dans la boulette. Et des oignons croustillants par-dessus. Deux tranches de bacon fumé. Et encore plus de Reese Peanut Butter Cups. C'est malade. T'es-tu prêt? Quoi? $16. $16. $15.98, là, tu sors 200 quand même. On s'entend, là, c'est pas le plus gros hamburger ever non plus. Non, mais il a l'air particulièrement délicieux. Moi, c'est certain que le sucré salé, je capote bien raide. J'aurais jamais pensé mettre du chocolat dans une boulette de bœuf, mais là, soudainement, j'ai envie d'en avoir. Mais il a comme l'air d'avoir des morceaux aussi de chocolat sur la photo, du moins, là. Oui, à non, côté, mais... comme des petites... Je l'ai dit tantôt qu'il y avait des petits Reese d'ajouter par-dessus. Ouais, c'est ça. Exactement. Et des oignons croustillants. Voilà. Entre deux, pain. Hein? Je t'avoue que c'est une expérience à faire. Oui. Ça veut pas nécessairement dire que j'aimerais ça. Non, mais 16$, c'est quand même beaucoup à perdre pour ouais, ne pas aimer il nomme, ça. Ils nomment comme pas le restaurant, hein? J'avoue. Hey, c'est vrai, ça, c'est un détail quand même assez important. Ça dit une chaîne canadienne. C'est... Frankenfood? Non, je pense pas. Je pense pas. Attends un peu, je vais chercher. Je vais chercher. Je vais le trouver. Je suis certain de le trouver. C'est en Ontario. OK, c'est une chaîne ontarienne. Ça s'appelle The Works. The Works. The Works, voilà. C'est pour leur campagne Get Stuffed. Voilà. Ensuite, et c'est en dollars canadiens en plus. Oui. En fait, ça, c'est mieux que si ça avait été en dollars américains. Ouais, ça fait, c'est vrai. Chez PFK, maintenant, à Hong Kong, on amène une pizza. Non, c'est du poulet frit à la pizza. Voilà. Donc, c'est PFK à Hong Kong. C'est du poulet avec de la sauce à pizza et du fromage fondu. Donc, pizza chicken, comme on l'appelle. Ça s'appelle Napoli Crispy Pizza Chicken. Chaque morceau est rempli de sauce à pizza et un petit sprinkle. On assaisonne de mélange de mozzarella fondu et de différents fromages cheddar. Voilà. Donc, le nouveau poulet à la pizza disponible pour un temps limité, inspiré par leur pizza napolitaine. 2,30$ environ américains par morceau. C'est pas correct de regarder des articles comme ça à 9h le matin le jeudi. T'sais, on finit toujours l'émission, puis là, on a terriblement faim. Pourquoi tu crois que cette chronique-là existe? En Nouvelle-Zélande, toujours chez PFK, on offre un double down, t'sais, comme le coup double chez PFK, aux ananas, au jambon et avec des petites patates hash brown. T'sais, les patates à déjeuner. Oui, dedans. Donc, c'est leur célèbre Double Down avec du poulet à la place du pain qui est de retour en Nouvelle-Zélande, mais avec une nouvelle saveur, ananas, hash brown et jambon. Le nouveau Double Down hawaïen. Donc, deux morceaux de poulet frit sans os, évidemment, qui vont jouer le rôle du pain avec de l'ananas grillé, de la sauce barbecue au bourbon, du bacon, du fromage et la sauce secrète du colonel avec le jambon et le hash brown. Bacon, fromage, sauce barbecue, sauce secrète. Ça, c'est deux modèles différents. Celui que je viens de mentionner à la fin, le Double Down Ham Steak Hash. Celui-là, c'est le même filet de poulet, bacon, fromage, sauce barbecue et sauce secrète, une tranche de jambon et le hash brown. C'est deux modèles différents. Le Hawaiian, c'est celui avec l'ananas. Ah, je vois. Donc, c'est ça. Ça dit que le Double Down est offert aux États-Unis et au Canada, entre autres. Mais ailleurs dans le monde, on essaie des affaires un petit peu plus intenses. Et on devrait s'en inspirer. Il y en avait essayé dans différents pays avec du riz, avec une boulette de burger et l'autre avec une saucisse à hot dog dans leur Double Down. Toi, Mathieu, est-ce que ça va être sucré ou salé ce que tu vas nous faire goûter? Ah, t'as raison, faudrait qu'on arrête là. J'avais oublié. On va arrêter là pour les nouvelles de fast-food. C'est vrai, j'ai aussi un produit à goûter. On va se dépêcher un petit peu pour celui-là. C'est toi, tu nous as fait goûter du sucré. Oui, mais ben, c'était sucré, hein? C'est sucré. C'est sucré, en effet. Je vais te demander... Hey, Tania. Oui. Je m'excuse, je vais prendre plus de temps. Est-ce que ta chronique va être longue tantôt? Non, pas nécessairement. Pas. Est-ce que tu peux, pendant que je fais une dernière nouvelle, aller nous chercher chacun une cuillère? S'il te plaît, j'ai oublié de le faire avant à Chasse-Galle. Oui, je vais essayer de faire ça. Très bien gentil. Nous, pendant ce temps-là, on va parler toujours chez PFK. Merci, Tania. On va y aller avec... chez PFK, un burger rose. Pourquoi pas un burger rose? C'est... est-ce que c'est au Japon? J'imagine que c'est au Japon. Hein? Le Nanfang nous dit que KFC en Chine, voilà. Nous amène le Rose Cheese Roasted Chicken Burger pour aller avec leur Black Diamond Bacon Spicy Chicken Burger. Tout le monde a déjà entendu parler du bacon noir. McDonald's avait sorti aussi des pains roses au Japon, mais ces pains chez PFK sont beaucoup plus roses. Donc le burger est exactement le même à l'intérieur, mais le pain est complètement rose, rien d'autre à dire. On reste chez PFK qui nous offrait plus tôt cet été leur nouveau bucket, leur nouveau seau de poulet qui était aussi une imprimante à Bluetooth. On n'avait pas parlé à ce moment-là, donc on retourne un petit peu en arrière, c'est au mois de juillet. Donc PFK qui célèbre son 60e anniversaire d'opération au Canada amène un seau pour célébrer un seau spécial, le Memories Bucket. N'est pas simplement un seau en carton, mais aussi une imprimante Bluetooth qui fait interface avec votre téléphone cellulaire et imprime des photos, les photos de votre choix. Donc c'est ça, vous allez pas pouvoir en avoir un vous-même lors de votre commande, mais basé sur les commentaires sur la page Facebook de PFK Canada, c'était donné de façon limitée comme concours. Donc PFK, vous pouvez voir la petite vidéo de tout ça sur assemblagerequis.com, un seau de poulet qui imprime des photos. On a parlé la semaine passée, Tania et moi, du sac de Ruffles à saveur assaisonnée qui arrivait pour la première fois aux États-Unis. Eux ne sont pas habitués à cette saveur-là. Et là, on se demandait, Tania et moi, mais qu'est-ce que c'est supposé être la saveur des chips assaisonnés? Donc, on nous dit ici que la saveur dans cet article-là, donc j'essaie de trouver la réponse et je crois l'avoir trouvée, que c'est un petit peu de ketchup avec du vinaigre. Hein? On nous dit aussi de la poudre de paprika. Est-ce que c'est paprika? Attends, on va y aller. Donc, d'habitude, c'est barbecue, c'est les vinaigres, crème sûre et oignon et ketchup. Et je crois que la petite épice de plus, il me semble, du paprika. Donc, c'est les vinaigres et surtout la saveur qui se démarque selon la critique de The Impulsive Buy. Donc, pour les Ruffles All Dressed qui arrivent aux États-Unis. Merci, Tania, pour les cuillères. En fait, je peux t'en laisser une. Tu vas en avoir besoin. C'est pour ça que j'ai demandé deux. Pas deux pour moi. Merci. Donc, ce que je te fais goûter aujourd'hui, Tania, c'est Cloverleaf. Tu les connais pour leur thon en canne d'habitude. Ils viennent de sortir les toppers il y a quelques temps. Et celui-là, c'est un topper au tikka masala. C'est des morceaux de thon au tikka masala. C'est fait pour être mis sur du riz ou n'importe quoi d'autre pour ajouter un petit peu de viande. Tu sais, des fois, quand tu manques de viande parce que tu fais un repas préparé, un side dish de pâte ou peu importe, tu manques de viande, tu trouves ça, tu rajoutes par-dessus, ça rajoute de la saveur. Donc, il y en a plein de saveurs. J'ai pris en photo hier, je vous la mettrai sur Facebook, les autres saveurs qu'il y avait. Il y en a des plus traditionnels que d'autres. Donc, c'est déjà cuit. C'est tout ce qu'on va faire, c'est... bon, on peut le chauffer et on peut le savourer ou on peut encore juste le savourer. C'est comme je disais, déjà cuit. Ça contient des fruits de mer. T'es pas allergique aux fruits de mer? Non. C'est pour garnir votre riz, votre pomme de terre peut-être au four et vos pâtes. OK. OK. Donc, tikka masala, pour ceux qui connaissent pas trop ce que c'est, c'est... en fait, je connais pas plus ça que vous, mais il me semble que c'est dans les plats indiens. Okay. C'est un plat composé de morceaux de poulet cuit cuisinés dans une sauce de curry. Un plat populaire en Occident où on considère généralement qu'il relève de la cuisine indienne. Voilà. Ah! Tikka masala, si t'aimes les affaires indiennes d'habitude, est-ce que c'est le cas? Ça devrait être pas pire, ouais. Génial. Donc, on va ouvrir les Cloverleaf Toppers au tikka masala dans le micro magique de C'est fou. J'ai réussi à enlever le papier autour. Je savais que t'enlèverais le plastique autour. Mais j'ai même pas essayé ça en plus. Là. J'ai essayé d'ouvrir puis ça l'a. Je vous jure que j'essaie de l'ouvrir. Ok, je l'ai, je pense. Ça n'a pas vraiment fait de bruit. Ah, il y avait mais... une fourchette dedans. Il y avait une fourchette. Attendez, il y a comme un petit papier là. Un petit aluminium à ouvrir. J'ai peur que ça me revole dessus. Non, ça devrait pas. Voilà. Oh, ça a l'air coloré. Oh! Orange intense. Ah, ça sent bon. Les autres saveurs, il y a curry doux. Il y a aussi. Quoi? Non, c'est beau. Okay. Je dis que ça sentait bon. Donc, il y a curry doux. Il y a citron poivre, il y a méditerranéen et tikka masala à l'épicerie où je vais habituellement. Donc, il y a quand même quatre saveurs, certaines plus traditionnelles que d'autres. Je vais t'avouer par contre. T'aimes pas l'odeur? Ça sent l'Asie? Non, l'odeur, ça sent très bon. La consistance? La vue, par exemple. De quoi ça a l'air? On dirait de la bouffe à chat un peu, hein? Ben, on dirait que je sais pas, puis là, j'essaie comme, mettons, de mélanger... Et puis, c'est... Ouais, bon. Oh, je le sens jusqu'ici. Mais goûte-y, Tania, on n'a pas mille ans, là. OK, je vais prendre... j'essaie de te prendre un morceau, parce que ça se trouve pas partout, là. Tu vas voir, c'est quand même... Les morceaux de thon, là, qu'on cherche? Il y a des légumes, mettons. Je crois que c'est des légumes. OK, j'y vais. OK, j'y vais moi aussi. On dirait que j'ai pas... Très très bon, c'est du thon, cloverleaf comme on aime. Oh, c'est petit. Un petit peu piquant, hein. Mais c'est bon. C'est très très bon. Et pour vrai, sur. Je suis pas une fan de thon, là, non? Je te l'accorde, là. Ok. Mais avec justement C'est épicé, là. Mais c'est épicé. Non, mais c'est quand même faible comme épicé, non? Toi, tu trouves ça fort. Tu manges pas épicé dans la vie, hein? Pas beaucoup, non. Parce que c'est vraiment pas tant épicé comme du tout, là. Mais pour toi, moi, tu manges très épicé, oui, là. Oui, c'est ça. J'adore l'épicé. Et ça, pour moi, c'est faible. Mais ça rajoute... pour vrai, l'idée des patates au four m'intrigue. Et sur du riz, ce serait délicieux, j'en suis oui, certain. Oui, je suis d'accord qu'avec du riz, là, ça doit être très bon. Mmh. J'essaie de regarder sur le petit papier que t'as amené. Je les mettrais peut-être moins dans les pâtes, là. Non, moi, j'irais avec ça aussi. Ah ouais? Génial. Donc, les Cloverleaf Toppers au tikka masala. Ah, je vais te prêter aussi le couvercle pour que tu puisses le refermer. Merci, oui, pour empêcher tous les dégâts. Donc, voilà, c'est tout pour une grosse boîte d'adresse. Il est sur assemblagerequipe.com. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Ici, je vous parle de Peter Filak. Qu'est-ce qui est Peter Filak? Eh bien, c'est un jeune homme qui a décidé de ne plus boire d'eau. À 26 ans, Peter Filak est un ancien infirmier qui a fait un choix radical. Il ne boit plus aucun liquide, pas même d'eau. C'est se contentant de fruits et de légumes. Pourquoi? Pour pouvoir vivre jusqu'à 150 ans. C'est assez clair, hein? Il peut vivre jusqu'à 150 ans. C'est génial. Donc, après avoir longtemps abusé des fast-foods et de la nourriture grasse, Peter Filak n'en peut plus. Il décide alors d'entamer un régime à base de fruits et de légumes, rien d'autre. Il se rend très vite compte qu'il se lève uriner plusieurs fois par nuit. À partir de là, c'est clair pour lui, il est inutile de boire plus d'eau ni autre liquide. Un choix que ses parents ne comprennent pas. Et il s'éloigne de lui pendant qu'il est atteint de ce TOC, hein, trouble obsessif compulsif. Par la même occasion, il quitte son travail d'infirmier à l'hôpital pour vivre sa nouvelle vie. Tous les jours, Peter enfile deux pommes et une banane avant d'entamer une balade matinale d'une quinzaine de kilomètres avec Sachi, son chien, à qui il donne un kiwi et quelques carottes. Son chien mange des kiwis et des carottes. Sans eau et avec moins de 1000 calories ingérées par jour, Peter Filak semble heureux. Pour preuve, il déclare ne plus transpirer du tout et avoir une ligne parfaite. Grâce à cela, il espère aller au bout de son rêve, vivre jusqu'à 150 ans. On lui souhaite bon courage et bon appétit. Ben non, mais quand même. Moi, c'est comment il fait pour vivre. Parce que là, il a lâché son travail d'infirmier, il boit, il mange des fruits chaque jour. Mais comment tu fais pour vivre? Sérieux, acheter des fruits, des légumes chaque jour, ça prend beaucoup d'argent. En tout cas, dans ma façon de compter à moi. 10 choses que vous ne saviez peut-être pas au sujet de James Bond. Eh bien oui, 10e position. Eh bien, il y a eu un véritable James Bond. Oui, James Bond a réellement existé, mais il n'était pas au service de Sa Majesté. En fait, James Bond était un ornithologue. Vous avez bien lu, Ian Fleming trouvait que ce nom de cette personne avait une consonance des plus communes. Il a donc emprunté le nom de ce type afin de le léguer à son personnage qui, lui, n'a finalement rien de banal. Bond aux Oscars. C'est sans grande surprise que vous apprenez qu'aucun titre de la franchise n'a remporté l'Oscar du meilleur film. Les productions sont divertissantes, mais n'ont pas les qualités que recherchent les membres de l'Académie pour en faire de grands chefs-d'œuvre. En revanche, plusieurs nominations ont été attribuées à quelques productions. Encore mieux pour Goldfinger et Thunderball. Eh bien, ils ont remporté la statuette respectivement pour le meilleur son et les meilleurs effets visuels. Le film Moonraker, excellent film, eh bien, ce serait la faute à Star Wars. À la fin du générique de Spy Who Loved Me en 77, on conviait déjà les fans de la série pour un prochain rendez-vous, soit pour For Your Eyes Only. Or, suite au succès colossal d'un certain film intitulé Star Wars, le studio Eon a préféré mettre toutes les chances de son côté en repoussant la sortie de For Your Eyes Only, paru finalement en 81, en propulsant James Bond dans l'espace avec le fameux Moonraker. Septième truc que vous ne savez... en septième position des trucs que vous ne savez pas sur James Bond. Eh bien, l'agent britannique est à moitié suisse, à moitié écossais. En effet, le plus anglais des espions est le résultat d'une union entre un père écossais et d'une mère suisse. On apprend donc ça dans les romans qu'Andrew Bond et Monique Delacroix ont perdu la vie dans un accident d'escalade. Bond devenant ainsi orphelin à l'âge de 11 ans, il fut pris en charge, par sa tante Miss Charmian Bond. Le film Casino Royale a une version télé et une version parodique. En passant, la version parodique est juste géniale. La première version de Casino Royale remonte à 1954. Il s'agissait d'un épisode de la série télé intitulé Climax. La seconde version ne fait pas partie de la série de films approuvée par la compagnie Eon. Le Casino Royale de 1967 était en fait une parodie librement inspirée de l'œuvre de Fleming. On pouvait y voir d'ailleurs les acteurs Orson Welles, Woody Allen, Peter Sellers, Ursula Andress, tous des agents secrets qui prétendaient être James Bond. Sérieux, le film Casino Royale de 67, c'est un chef-d'œuvre, mais parodique par exemple. Vraiment très, très, très bon. Savez-vous que des acteurs célèbres ont failli incarner 007? Plusieurs comédiens sont passés près de prendre les traits de 007 au cinéma pour diverses raisons. Sam Neill, Hugh Jackman, Eric Bana, Clint Eastwood et même Daniel Pilon ont dû faire une croix sur cette opportunité. Daniel Pilon, ça leur a été excellent, hein, qu'il soit James Bond, j'aurais bien aimé. Sinon, Never Say Never Again n'est pas considéré comme un film officiel de la série. Ça aussi, c'est un très bon film, mais pas pareil. Hein. C'est le film qui marquait le retour de Sean Connery après une longue absence d'une dizaine d'années et qui était distribué par le studio Warner. Le nom du fameux producteur Albert Broccoli n'apparaissait pas non plus au générique. Ainsi, la compagnie Eon, qui présentait Octopussy la même année, en 83, ne pouvait ajouter la production à sa filmographie. Pourtant, il fait quand même partie des célèbres films de James Bond, mais beaucoup moins connus quand même. Donc, c'est des petites perles comme ça quand on connaît James Bond, qui est intéressant à connaître, justement. James Bond, ce fumeur compulsif, ben oui, il ne porte pas le smoking pour rien. Hein? James Bond fumait comme une cheminée, plusieurs paquets par jour. Si nous l'avons vu fumer de manière moins intense au grand écran que dans les romans, il a également remplacé la cigarette au profit du cigare lorsque Roger Moore a repris le rôle. L'espion qui fumait a toutefois laissé tomber cette vilaine habitude depuis quelque temps. Savez-vous aussi que le thème musical de James Bond était destiné à une pièce de théâtre? Le fameux thème, hein, qu'il est désormais impossible de dissocier de l'agent secret, a bien failli ne jamais lui être destiné. La musique devait d'abord faire partie d'une œuvre théâtrale. Cette dernière n'ayant pas été retenue, le compositeur Monty Norman a décidé de recycler cette composition pour le film Dr. No. On doit l'arrangement musical avec la guitare électrique à John Barry. Vraiment un thème, hein, indissociable de l'agent 007. Et finalement, un fait qu'on ne connaissait, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Moi, je le savais, mais je ne l'avais jamais vu. C'est le film James Bond 007 sur le jeu vidéo Atari 2600. Plusieurs d'entre nous, hein, ont sûrement déjà pu se mettre dans la peau de James Bond en s'amusant avec le populaire jeu vidéo Golden Eyes, hein, sur Nintendo 64. Par contre, il faut le savoir, le tout premier jeu vidéo inspiré du personnage est paru en 1983 sur la fameuse console d'Atari, la Atari 2600. Vous souvenez-vous d'avoir joué à ce jeu-là? Je pense pas. Et puis, si vous allez voir la vidéo, ben on dirait que c'est un Defender. Il n'y a aucun rien de lien avec James Bond, à part le début, t'as un genre d'homme avec une genre de silhouette un peu à la James Bond, qui tient un gun, là, un peu comme au début du film, là, quand tu le vois à travers le barillet du fusil. Mais tout de suite, dès que le jeu commence, t'es dans un genre de vaisseau spatial, puis c'est une genre d'aventure à la Defender. Rien à voir avec James Bond. Si au moins on l'avait appelé Moonraker, peut-être, mais non. Ici, à voir en vidéo, c'est la vidéo de Deep Blue. Non, Deep Blue, c'est pas l'ordinateur qui a gagné contre le champion d'échecs. Ben oui, mais pas là. Deep Blue, c'est le plus grand requin blanc jamais filmé. De nouvelles images de Deep Blue, le plus grand requin blanc jamais filmé, circulent maintenant sur le web. Filmé au large du Mexique par Mauricio Hoyos Padilla lors d'une séance de plongée en cage, le prédateur mesure plus de 6 mètres de long et serait âgé d'une cinquantaine d'années. Il avait été repéré une première fois en 2013 par les équipes de Discovery Channel qui l'avaient filmé pour l'émission Jaws Strike Back. Cette nouvelle vidéo montre Deep Blue s'approchant au plus près des plongeurs, tournant autour de leur cage avant de repartir. Postées sur la page Facebook de Mauricio Hoyos Padilla, ces images impressionnantes ont déjà été visionnées plus de 8 millions de fois. L'animal, reconnaissable à ses cicatrices et à sa taille imposante, est quant à lui devenu une véritable légende des fonds marins. Et tiens, tant qu'à rester dans les animaux marins, on va se faire une dernière nouvelle avant d'aller en musique. C'est accusé de maltraiter des orques. le parc d'attractions SeaWorld fait évoluer une attraction dans son parc. OK. Le parc d'attractions aquatique SeaWorld de San Diego, accusé de maltraiter les animaux, a annoncé lundi qu'il allait progressivement supprimer l'une de ses attractions vedettes avec les orques. Victoire pour la cause animale, pas tout à fait. Le spectacle de son parc californien sera remplacé en 2017 par une nouvelle attraction plus éducative. Si les soigneurs ne prendront plus part au spectacle pour réaliser des numéros répétés, les orques continueront d'être présentés aux spectateurs, précise le journal The Independent. Les visiteurs pourront les observer dans leurs activités plus naturelles, comme les sauts qu'elles réalisent en pleine nature. Les spectacles des parcs SeaWorld au Texas et en Floride ne seront pas cependant modifiés, ça a indiqué un porte-parole du groupe. L'Association de protection des animaux, la PETA, l'une des premières à avoir dénoncé le traitement des orques par SeaWorld, a estimé que le retrait du spectacle n'était pas suffisant. C'est comme si un cirque arrêtait de fouetter les lions pendant les spectacles, mais les gardait emprisonnés dans des cages à vie. SeaWorld s'est retrouvé sous le feu des critiques et a vu sa fréquentation plonger dans ses parcs, particulièrement en Californie, après la diffusion en 2013 du documentaire Blackfish, très acclamé. Le film dénonçait l'impact de la captivité sur ces orques. SeaWorld s'était défendu en déclarant traiter les animaux avec dignité et n'avoir pas capturé d'orques au large depuis 35 ans. Les organisations comme ce parc font partie de la solution, pas du problème, estime la société SeaWorld. Venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis, de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons, de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cestfou.ca.